Blanche dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Lui, c'est le frère Iba. Frère Iba, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, mon frère, bonsoir. Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Amen. Nous osons croire que du côté d'Abidjan, la température et le climat est clément. Ils sont cléments afin que nous puissions travailler ce soir. Enfin, ça va Voilà. très bien. Ça va. Le frère Cyril d'Allemagne, bonsoir. Amen. Amen. Le frère Cyril d'Allemagne, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mes frères. Que la grâce et la paix reposent sur toi et ta maison. Amen. C'est vrai qu'on voit juste tes cheveux là, mais on ne voit pas totalement le frère. Vous le voyez bien maintenant. Une fois n'est pas coutume, les autres sœurs ont caché leur caméra. Il y a la sœur Monique du Canada qui a également caché sa caméra. La sœur Reine. Peut-être sont des gardes. La sœur Reine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, vous ne me voyez pas. On voit une fleur rose que tu as décidé de partager au médecin Oui, afin je que. vois ma caméra est ouverte. Bon, je ne sais pas si les autres frères sont allés te voir. Ma caméra est également ouverte, hein, je ne sais pas pourquoi. Le frère, bah, tu les vois? Mais je vois que le frère Cyril, je pense. Voilà. Il y a des icônes qui sont. Voilà. Donc, toutes les icônes là, ça montre tout simplement les icônes. Alors, je crois que c'est la bande passante. Ça va se stabiliser bientôt. Frère Cyril, comment tu vas? Ah, j'ai travaillé jusqu'à 22 heures. Donc, tout là. Et c'est ton arrivée à Pas la de maison. place. Et c'est ton Pas de arrivée maintenant à la place. maison, alors. Pas de problème. Bon, c'est pas quelques heures que je suis là, mais bon, j'ai fini quand même le commentaire. Oui. Après avoir consulté comme ça et à travailler très tard comme ça, est-ce que nous autres, les patients, que nous avons des choses à demander de vous, vous n'allez pas nous prescrire l'euthanasie directement? Ou bien tu vas faire le maximum d'efforts pour nous servir. Comme je ne sais jamais me dire que vraiment, pour moi, la médecine conventionnelle, c'est du bricolage, vraiment. Que le Seigneur accorde vraiment à ses fils de manifester la gloire de Dieu pour avoir des rétablissements spirituels véritables. Amen. Voilà. La sœur Monique, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Gino. Bonsoir. Bonsoir bébé, bonsoir, comment tu vas? Bon, elle ne peut pas rentrer. Parti. Oui. Alors dis-nous, la sœur Monique, tu as écouté l'éternelle première partie, quelle a été ton impression? Tu es également prêt à tuer pour 15 000 dollars? Non. Pour rien au Et monde, moi, je suis pas médecin, donc Dieu merci. pour rien au monde, tu ne tueras les gens, n'est-ce pas? Jamais. La sœur Karine, la sœur, on ne voit pas la sœur Reine maintenant. Voilà, la sœur Reine, elle est présente là-bas. Je n'ose pas dire ce qu'on a déjà dit dans l'autre enseignement. Personne n'a jamais dit qu'elle a tué quelqu'un. Personne n'a jamais accusé. Vous êtes d'accord avec moi que personne ne l'a accusé. La sœur Reine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mes frères et sœurs. Tu n'es pas des gâtes aujourd'hui, non? Non, En je tout n'ai tué cas, personne aujourd'hui. même si tu es des gâtes et que les gens viennent y déranger de 16 h à 17 h, ou bien de 7 h jusqu'à 17 h, tu sais ce qu'il faut faire, c'est très facile, pas vrai? Il faut résoudre son problème rapidement. Et puis, dossier classé. Une autre qui a fait un déplacement pour les États-Unis à côté de Donald Trump, pas cette fois-ci pour prendre de quoi, depuis lui du côté de Donald Trump, c'est notre sœur bien-aimée Karine. C'est Karine, bonsoir. Je crois qu'elle est en train d'écrire ou bien dans un endroit où elle ne peut pas parler. Je crois qu'elle nous écoute. Alors, si vous le trouvez bon, nous voyons, à moins que vous ayez préparé ces quelques portions pour nous les patients ce soir. Qu'avez-vous préparé, les médecins? C'est votre émission, c'est vous qui faites l'émission. En attendant que les autres frères nous rejoignent. Je suis à votre service. J'ai juste noté, là j'attends les directives. Non, mais je pense que mon frère, ce serait bon que tu diriges les échanges, hein, De peur qu'un comme médecin c'est si bien fait. ne donne la mort. Bon, alors, dans ce cas, je nous propose de regarder cette première vidéo et on meuble pour la suite de l'enseignement. Michel Couder a 67 ans. Depuis l'adolescence, il se sait atteint de neurofibromatose, une maladie incurable et dégénérative. Depuis quelques mois, la douleur ne le quitte plus, mais après une vingtaine d'opérations, Michel ne veut plus entendre parler d'hôpital. À un moment donné, vous ne pourrez plus rester ici tout seul. Si, bah, je serai mort, c'est tout. Bah, c'est facile, hein, je me laisse mourir. Je n'appelle pas au secours. Se laisser mourir seul, renoncer aux soins, une extrémité incompréhensible ici. Dans ce centre de soins palliatifs, l'accompagnement et la prise en charge. C'est un accompagnement général, c'est un accompagnement à la fois physique, psychologique, à la fois social, un soutien spirituel. Là, il y a des bruits, on ne peut pas entendre. On ne peut pas entendre. Quelqu'un a son micro ouvert. Quelqu'un a son micro ouvert et l'enfant en train de pleurer. J'espère qu'on n'a pas administré l'euthanasie à l'enfant. Qui fait cela? La sœur, c'est toi que ce patient est en train de crier? Ok, c'est pas chez la sœur. Il y a un patient qui est en train de crier des douleurs. Je ne sais pas s'il faut l'amener en urgence. Donc, la personne qui a une patiente qui a des douleurs atroces, insupportables, puisse fermer le micro. Le frère Gaël, bonsoir et bienvenue. Quelqu'un a son micro ouvert. Quelqu'un a son micro ouvert. Qui a son micro ouvert parmi nous là? Je crois que ça a été arrangé maintenant. Alors, nous reprenons ce n'est pas fermé toujours. Alors, nous reprenons cet extrait de l'euthanasie, témoignage d'un malade incurable, désagréable. Désagréable. Désagréable. Donc nous reprenons cet extrait de témoignage de sur l'euthanasie d'un malade incurable de BFMTV.com. Michel Couder a 67 ans. Depuis l'adolescence, il se sait atteint de neurofibromatose, une maladie incurable et dégénérative. Depuis quelques mois, la douleur ne le quitte plus, mais après une vingtaine d'opérations, Michel ne veut plus entendre parler d'hôpital. À un moment donné, vous ne pourrez plus rester ici tout seul. C'est facile, hein, je me laisse mourir. J'appelle pas au secours. Se laisser mourir seul, renoncer aux soins, une extrémité incompréhensible ici, dans ce centre de soins palliatifs, l'accompagnement est la priorité. C'est un accompagnement général, c'est un accompagnement à la fois physique, psychologique, à la fois social, un soutien spirituel. Oui, c'est un accompagnement vraiment très très général et global. Un accompagnement aussi des familles. Michel vit un enfer depuis 2 mois. Son père est passé par 4 hôpitaux. Il vient d'intégrer sa chambre. Je me sens très soulagée, d'autant plus que j'habite à 700 km et qu'il y a en plus la culpabilité chez moi qui avait tendance à prendre un tout petit peu le dessus. C'est vrai que là, je reprends mon train tout à l'heure, beaucoup plus apaisé. Les professionnels l'assurent, il y a toujours de l'écoute ici pour les patients, mais aussi pour leurs proches. Voilà. Je ne sais pas qui a le micro ouvert. Alors, la sœur Reine, cette vidéo, nous l'avons fait dans la première partie, nous avons joué à cette vidéo. D'abord, avant d'avancer dans la deuxième partie ce soir, pour passer effectivement à ce que nous allons voir ce soir, peut-on faire un bref résumé de ce que nous avons vu la dernière fois concernant l'euthanasie, avant de passer à la deuxième vidéo qui va nous permettre de conclure cette deuxième partie, maintenant dans les Saintes Écritures. Oui, effectivement, dans la dernière fois, on avait commencé par regarder cette vidéo que tu viens de faire passer. Et on avait regardé, je crois, 2 autres vidéos. Et on avait défini, en fait, ce que c'est que l'euthanasie. Notre frère Eba avait bien parlé de comment est-ce qu'on réagit sur le continent africain. Et bon, les différents frères et sœurs ont également donner leur expérience aussi dans leurs différents lieux de service, y compris moi. Et nous avons parlé aussi de, nous avons aussi parlé en gros ce qui pourrait être des causes, différentes causes de la vie, comment on va dire, la vie solitaire en Europe, ce qui pourrait éventuellement être des causes d'euthanasie, parce qu'on avait regardé une vidéo d'une femme aussi qui entendait des voix et tout. Et voilà, donc on s'est dit que voilà, certaines personnes aussi, il y a aussi les possessions démoniaques hein, qui pourraient pousser certaines personnes à prendre certaines décisions. Et on a aussi vu qu'il y avait des familles qui n'acceptaient pas l'euthanasie. Donc, on a regardé une vidéo d'une famille qui s'était opposée à ça. Et elle avait finalement eu raison. Et voilà. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop bien, mais bon, en gros, je pense que c'est ce qu'on avait eu à aborder comme sujet. Voilà. Le frère Cyril, quelque chose à ajouter? J'entends pas. Allô? Oui, le frère, je crois que le frère Cyril a coupé son micro. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui. Le frère Cyril, okay. Le frère Cyril, y a-t-il encore quelque chose à ajouter par rapport au résumé de la première partie? Ah, une seconde, mon micro était désactivé là. Bon! C'est tout ce que j'ai ajouté, enfin tout ce que j'aimerais bien ajouter, c'est la complexité de ce qu'on peut appeler euthanasie. Le fait qu'il n'y ait pas de ligne vraiment, j'allais dire, comment on appelle ça en français, normalement on dit chaff, c'est-à-dire qu'il y a la limite de l'euthanasie, entre l'euthanasie et ce qu'on peut appeler non-assistance en personne en situation qui a un pronostic vital engagé, elle n'est pas facile à tracer, quoi. Elle n'est pas facile à tracer entre ceux qui définissent qu'ils veulent mourir parce qu'ils sont trop vieux et qu'ils ne veulent plus de thérapeutiques et ce que la médecine laisse comme ça là, laisse mourir parce qu'ils considéraient qu'il n'y a plus rien à faire. Et maintenant, bon, entre ces deux groupes-là, la ligne n'est pas toute facile à tracer, quoi. Donc, c'est tout ce qu'ils peuvent vraiment ajouter, hein. C'est ce qu'il a fait, quoi. Amen. Peut-être parce que j'ai eu peut-être que trois cas comme ça, là. Donc, en fait, il ne faudrait pas dire quatre. Ce n'est pas évident. Pas évident. Voilà. Docteur Iba, un petit rappel de résumé de ce que nous avons vu avant d'avancer ce soir d'un pas. Quoique son micro est également fermé. Voilà, pardon, je pense que la sœur Anne a plus ou moins bien résumé, hein. Juste que, ben, écoute, on en est arrivé à la conclusion que l'homme, enfin, la médecine moderne, lorsqu'elle arrive à un niveau où elle voit qu'elle ne peut plus avancer, qu'elle ne peut plus apporter de solutions, au lieu de s'en remettre au Créateur, donc au Seigneur Jésus-Christ, a décidé maintenant de contourner, ben, en assassinant les gens. Donc, c'est la solution de facilité, en fait. Oui. Voilà, donc, c'est juste ça. Voilà. Je crois qu'avant d'avancer ce soir sur le territoire des Saintes Écritures, pour ceux qui nous écoutent, nous disons bonsoir et bienvenue. C'est la deuxième partie de cette première émission que nous avons traitée sur le cadre dans le cadre de l'euthanasie. Et nous avons défini l'euthanasie, c'est le frère Iba qui l'a défini comme étant la mort assistée cliniquement. Alors j'aimerais donc donner les champs lexicaux de la mort et puis vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous les médecins. Qu'est-ce que ça vous sonne? Se laisser mourir, se donner la mort, suicide, meurtre. Vous, comme médecin, qu'est-ce qu'on peut faire? Ne sont-ils pas les champs lexicaux de l'euthanasie? Se laisser mourir, se donner la mort, suicide, meurtre. Euthanasie, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ces mots-là vous évoquent, vous, les médecins? Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend, hein. Donc, Dis-moi. les médecins ne tuent pas, les médecins ne laissent pas les gens mourir, ils ne commettent pas de suicide. Ou bien, je réarrange ma question. Voilà. Voilà. Lorsque quelqu'un prend très souvent, nous voyons des gens qui sont dépassés par de la vie, ils vont acheter des excès de médicaments, ils prennent le surdose et ils veulent se tuer. Quand on les amène dans le centre de désintoxication, on dit qu'ils voulaient se donner de la mort. Donc, ça, c'est du suicide. Et cette personne-ci, après avoir traité, généralement, sont conduits en prison. Pourtant, cette personne-ci était dépassée par la vie. Il voudrait se donner la mort. Cette même personne, si vient à l'hôpital, consulte le médecin pour qu'on l'aide à mourir, on injecte toujours les médicaments dans son corps. Dans quel cas quelqu'un a-t-il le droit de se suicider? Et dans quel cas faut-il considérer comme étant l'euthanasie qui est légale? Mieux posé. Si quelqu'un arrête de prendre ce médicament, on appelle cela, il se laisse mourir doucement sans prendre les médicaments, on l'accuse également. Mais cette même personne vient à l'hôpital, on lui demande, est-ce que tu veux qu'on arrête le médicament? On arrête, il meurt. On dit, là, ce n'est pas le meurtre. N'est-ce pas un paradoxe? Et la spécialiste, la sœur est une spécialiste. Aïe, Bon, enfin, Ah, mon frère. ça sera, vas-y, ça sera. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. En tout cas, moi, je suis pas spécialiste de ça. Mon frère veut seulement m'accuser là comme ça, là. Non, faut me laisser un peu. Non, je parlais des spécialistes en médecine, tout simplement. Là, vous me prêtez des mots. J'ai dit spécialiste, tout simplement. Il n'y a pas de spécialiste en meurtre. Il dit spécialiste en la matière. Mais en fait, c'est comme tu l'as si bien dit, il y a un paradoxe parce que il y a quelqu'un qui montre clairement qu'il veut mourir. Donc, il avale des comprimés. On va remuer ciel et terre pour pouvoir empêcher qu'il le fasse. Il y en a qui se coupent les veines au point où, voilà, il arrive en saignant. Ce patient va directement aller en salle d'opératoire pour se faire opérer, machin, tout ça. Il décrit clairement, il montre clairement qu'il veut mourir, en fait. Mais là, on fait tout pour le sauver. Maintenant, celui qui bon, mon frère, moi, je vais dire entre guillemets, qui, entre guillemets, n'aimerait pas mourir, on l'aide à mourir. Bon, soit, on l'aide à mourir. C'est, en fait, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que quand on n'est pas devant la situation, c'est facile à... Je ne veux pas dire que, voilà, c'est facile à dire, oui, on est en train de vouloir l'aider, mais ce que moi, d'après mon ressenti, d'après mon vécu, je pense quand même que c'est des gens qu'on ne peut pas, on peut pas laisser comme ça. Pourquoi? Parce que je vais prendre un autre cas. Un autre cas, un jeune de, je crois, il avait environ 43 ans. Il avait déjà eu un AVC, il était tout paralysé. En fait, ce qu'on appelle un légume, c'est ce qu'on appelle vraiment un légume. Et ce monsieur, il ne bougeait pas, en fait. Il avait toute sa tête, mais il ne bougeait pas. La tête toute tordue d'un côté, et il mangeait comment? Il avait une sonde au niveau de son ventre, c'est par là qu'il mangeait. Et à chaque fois que ce monsieur, on essayait de s'occuper de lui, il ne parlait pas, mais tu comprenais par ses faits et gestes qu'il en avait marre, en fait. Et quand tu le regardais, il te faisait de la peine. En tout cas, moi, il me faisait de la peine. À chaque fois qu'on lui remettait la sonde au niveau de son ventre, la petite main qu'il pouvait bouger, il ne faisait que bouger pour l'enlever. C'est tout ce qu'il faisait. On la remettait à chaque fois. Et quand il te regardait, il avait des larmes qui coulaient. Donc, il te regarde, il est en train de te dire avec son regard que je veux en finir, j'en ai marre. Donc, il te dit, aide-moi. Toi, tu es médecin, tu peux m'aider. Laissez-moi en paix. Donc, il voulait dire. Et quand on lui parlait, quand j'en ai fait part, bon, là encore, peut-être, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'en ai fait part au psychologue qui, moi, je lui ai dit, écoute, moi, ce patient, j'essaye, mais je comprends par son langage qu'il ne veut pas. Mais quand on se retrouve en face de ça, on va dire oui. Oui, on voulait encore tout faire, mais on sait clairement que il y a rien à faire pour lui, en fait. Il n'y a plus rien à faire, à part ce souffle de vie qu'il a, son cœur qui bat encore. Il a quoi comme qualité de vie? Un patient qui passe son temps dans un lit, il a des escarres, donc des plaies partout, parce qu'on doit le bouger, parce qu'on ne le bouge pas, donc il faut changer de position. On change de position à gauche, il forme des plaies à gauche. Mais sincèrement, quand on se retrouve devant ce genre de situation, c'est difficile. Un autre, même il y a quelques temps encore, il m'a dit ouvertement, madame, vous pouvez m'euthanasier. Ce monsieur, c'était un monsieur de 56 ans, toujours dans les mêmes conditions. Lui, c'était un cocaïnomane, drogué, alcoolo, tout ce qu'on veut. Mais c'était un monsieur qui, je ne sais pas, il a hérité de quoi comme argent. Il était blindé de fric, en fait. Et à chaque fois quand j'entrais dans sa chambre, il se retournait comme ça. Je lui ai dit, monsieur, vous pouvez me regarder. Il comprenait tout ce que je lui disais. Mais il était tout... Ce monsieur, il avait 56 ans, mais son bras est comme celui d'un enfant, d'un tout petit bébé. Et à chaque fois quand je le touchais, j'avais même peur de briser ses os. Tellement il était chétif. Chaque fois quand j'entrais, il se retournait. Je lui dis, monsieur, pourquoi vous ne voulez pas me regarder? Moi, je suis là pour vous aider. Il me regarde. Il me dit, non, vous êtes là pour mon argent. Vous me faites des batteries d'examen. Vous me faites tout. Vous me faites ci, vous me faites ça. Tu es coupable. Il me dit, tu peux m'euthanasier. Tu peux le faire. Mais quand on se retrouve dans ce genre de situation, quoi? Qu'est-ce qu'on... Oui, je ne lui ai pas dit que je vais l'euthanasier. Ça, bon, là, je ne l'ai pas fait. Mais la sœur, il avait beaucoup d'argent. Pourquoi on n'a pas demandé, monsieur, si vous me donnez combien? Plus de toute façon, l'argent n'allait pas le servir, pas vrai? Mais mon frère, moi, sincèrement, oui, il y a des gens qui le font pour ça. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que il y a plusieurs médecins qui aimeraient vraiment aider des gens. C'est pas dans le but de faire du mal à un patient que je pense la majeure partie de nous ici a choisi de faire la médecine. Ce n'est pas ça. Mais on a des réalités tout autres, mais vraiment tout autres. Mais celui-là, on n'a pas accepté. Moi, je suis sortie de cette chambre, j'ai dit bon, ce monsieur, il veut pas de soins, il veut rien du tout. Voilà, mais c'est voilà, c'est un paradoxe, comme tu l'as bien dit, c'est un paradoxe. Bon, sincèrement, j'ai pas de réponse concrète à ça. Oui. Et là, je pose la question justement, la grande question qui se pose maintenant. Puisque la dernière fois, nous voyons et nous avons tenté de donner un postulat comme les maladies à la limite de la médecine moderne sont un signe, par exemple, que Dieu veut montrer à la médecine moderne qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire et que c'est du domaine de Dieu. Mais pourquoi donc jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de conclave, ni de réunion, ni d'œcuménisme entre les médecins pour pouvoir essayer de voir que est-ce que... Ne serait-il pas temps de penser à un autre domaine qui ne nous appartient pas, la médecine, de ces maladies-là qui sont incurables, qui sont de quoi doter, de cette incurabilité, Freiba? Ben voilà, en fait, c'est là que c'est le point de convergence. Voilà, en réalité, c'est à là qu'on doit, on doit en venir. Puisque la médecine, toutes les maladies, les petites maladies qu'on réussit à soigner facilement, ben écoute, quand quelqu'un te dit j'avais un palu, le Seigneur Jésus m'a guéri, mais bon, un médecin qui n'est pas chrétien, qui te regarde, ça lui fait rire. Lui sait que ça, avec voilà, 3 jours de traitement, un paludisme, tu te remets. Mais une pathologie jugée incurable, pour la médecine moderne, je sais pas moi, il y a plusieurs pathologies, des cancers incurables, voilà, disséminés partout et tout. Et quand quelqu'un te dit que le Seigneur m'a guéri de cette maladie, toi en tant que médecin, ça te donne à réfléchir. Si tu ne, quand tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, ça te fait réfléchir. Tu te dis que, ah, mais si vraiment il a été guéri de cette pathologie que nous on avait jugée incurable, ah ben, c'est que ça veut dire qu'il y a une autre dimension que nous ne maîtrisons pas et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de résoudre ces problèmes. Voilà. Donc, c'est vers ce point justement que la médecine doit plutôt tendre, au lieu de prendre la décision de supprimer la vie, alors que seul l'auteur de la vie a le droit de la retirer. C'est ça justement que nous allons sortir dans la conclusion biblique, et c'est à cela que nous allons aller dans la Bible. Mais le frère Cyril, n'est-ce pas une espèce de malhonnêteté intellectuelle que de faire comme de l'autruche en faisant fi de l'existence de Dieu et de l'esprit et des maladies spirituelles de la part des médecins? J'ai pas bien suivi ta question, frère. Avec ce que nous sommes en train de voir, les médecins arrivent à un carrefour où ils savent effectivement que leur limite ici, la recherche scientifique, les livres de la médecine ne peuvent plus rien faire. Ils concluent qu'ici, il faut supprimer le patient de la terre. N'est-ce pas à cet endroit, c'est une espèce de malhonnêteté intellectuelle d'essayer de faire comme l'Autriche, comme essayer d'oublier qu'il y a le domaine spirituel. N'est-ce pas une façon de faire, de mentir aux gens, pourtant, dans leur propre conscience, ils le savent. Oui, en fait, le frère Iba a tout dit, hein. C'est-à-dire, en fait, on est ancré vers l'absolu de Dieu. C'est-à-dire, on est ancré vers l'incapacité notoire de la médecine et le besoin que les médecins, futurs prix Nobel ou bien quoi que je ne sais, se posent la question à savoir. Si ce ne serait pas mieux de retourner vers l'auteur de la vie, celui qui a toutes les pièces de rechange, celui qui dispose de la vie et de la mort. Je prends un exemple qui peut me faire rire certains. J'avais un patient diabétique qui a eu, vous appelez ça en français, comment là, hein? Les L'insuline. problèmes d'artère périphérique, là. Oui. On appelle ça en allemand, PAFK. Je sais pas comment on appelle ça en français. Problème d'artère, c'est-à-dire quand les artères sont bouchées, au niveau des artères La personne qui est l'arthropathie veineuse et les arthropathies périphériques là. Voilà, arthropathie, voilà. Voilà, c'est le mot. Donc, il était diabétique et on lui a amputé le pied. On lui a amputé le pied. Il avait juste une petite. Il avait une cicatrice là. Et on était en train de vouloir lui mettre une prothèse. Je suis allé vers lui, il me dit que oh, maintenant je ne peux plus marcher. Oh putain de merde, on avait quand même tué même du don. J'ai même plus les pieds marcher. Maintenant je vais couper mes pieds, maintenant je vais faire quoi? Je te dis que frère, je lui ai dit avec la plus grande conviction que tu es chrétien. Il me dit oui. Il dit, tu sais que Dieu peut faire pour tes deux pieds là. Je vous dis qu'il m'a regardé comme un extraterrestre qui est tombé sur la terre avec une blouse blanche. Je suis sorti. Il a alerté tous les infirmiers pour dire qu'il y a un fou aussi là qui est en train de marcher. Alors qu'il a dit qu'il était chrétien. Il y a une infirmière qui m'interpelle. Un infirmier me dit, mais comment tu peux raconter les bêtises comme ça au marché? Il était choqué. Au patient tel. Je dis, mais pourquoi j'ai fait quoi? Il me dit, comment tu dis que ses pieds peuvent pousser? Donc ça dit qu'il t'arrive pas à quoi? Oui. Comme la médecine a dit que non, il te faut la prothèse. Oui. Il croit que non, c'est terminé. Et pourtant, moi, je sais que le Seigneur Jésus-Christ peut repousser ses deux pieds en moins d'une seconde. Tu vois un peu? Oui. La médecine a des limites, que ce soit pour ceux qui sont aveugles, qui sont handicapés moteurs. Oui. Et on nous fait croire que non, c'est terminé. Au lieu de retenir le vélo qui a été, non, on fait des recherches dans le laboratoire. Depuis des années, on ne comprend rien. Oui. Moi, on ne veut pas tourner vers celui, c'est l'auteur de la vie. Voilà. Alors, par orgueil. Oui, par orgueil. C'est pour cela que je vous ai posé la question tout à l'heure. N'est-ce pas une certaine. Ils essaient de. Ce n'est pas une malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, avant de voir ces choses-là, sur la chaîne YouTube Bamba Iban, nous avons un témoignage qui s'affiche devant vous là. Témoignage du Seigneur Jésus. Le titre, c'est Témoignage du Seigneur Jésus-Christ à l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies. Écoutons. Et apprécions, et puis on revient tous derrière par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cette question principalement. Essayons de voir ce qui se passe là-bas. Je crois que c'est en anglais, cet homme a témoigné en anglais. Voyons voir. Your Excellency Kusia, President of the General Assembly, Your Excellency Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Nasser Abdulaziz Al-Nasser, High Representative for the Alliance of Civilization. Excellencies, ladies and gentlemen, I want to thank the President of this General Assembly, the Secretary General of the United Nations, and the High Representative for the Alliance of Civilization for your leadership in convening this high-level thematic debate on a very important agenda item. Thank you. You are looking at a miracle. By all medical expertise, I'm not supposed to be alive. On November 12, 2003, I fell dead of a massive heart attack in the airport in Sydney, Australia. I was clinically dead 45 minutes. They administered CPR, resuscitation, and they gave me 10 electric shock treatments to my heart. In the United States, they give 3 shock treatments and they stop. In Australia, they give 4 shock treatments and they stop. They gave me 10 electric shock treatments to my heart. The blood had coagulated already in my hands and my arms, in my feet and my legs. There was absolutely no hope for me at all. I was just a corpse. They took my body and put it on a stretcher and carried it to an ambulance. And the paperwork had been finished and it was DOA, dead on arrival at the hospital. But in the ambulance, on the way to the hospital, when all that medical science knew to do and with all that was at their disposal to administer. It did not work. But in the ambulance, just a corpse lying on that stretcher, Jesus stepped on board that ambulance, and my heart began to beat, and the breath came back. The driver was startled. The paramedic was startled. He told me later, he said, I have never seen anyone recover from what has happened to you. This all happened November 12th, 2003. After several weeks in Australia, I returned to the United States to my home by myself because I was totally healed. In 2004, I went to a hospital in Jackson, Tennessee for just a major checkup, and they gave me a complete blood lipid profile, triglycerides, LDLs, HDLs, cholesterol, etc. In a couple of weeks, I went back for the results, and when I walked in, the doctor looked at me and he said, your results are absolutely excellent. He said, but Reverend, we now can check the DNA in a person's body. We decided to check your DNA. He said, when we check your DNA, he said, when God raised you miraculously from the dead, he removed the APOE genetic marker for heart disease out of every cell in your body. He said, that is impossible. It's impossible. He said, only God could do such a thing. He said, when God healed you and raised you up, he totally, miraculously healed you. So I am grateful today to be alive, because we know, having been clinically dead for 45 minutes with no breath and no heartbeat, I asked the paramedic later, I said, Nigel, what happened when you shocked my heart? He said, it would beat three or four times and it would stop. We know that after 6 minutes or less with no oxygen to the brain, there is irreparable brain damage. But God has totally raised me from the dead. Finally, a doctor looked at me and he said, you have defied all the laws of medical science. I looked at him and I said, I didn't, but I know the one who did. His name is Jesus. I am an apostolic Christian. And my message here to you today is this. In the New Testament, in the book of Acts, chapter 2 and verse 38, it says, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. The answer, Your Excellencies, to the violence in our day and to the human atrocities in our day is Jesus. He is the Prince of Peace. Amen. I give you Jesus. Amen. God bless you. Thank you. Il y a de quoi applaudir, n'est-ce pas, frère? Ça, c'est émouvant. Ça, c'est émouvant. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est excellent. N'est-ce pas, mes chers frères, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Alors, pour ceux, je ne sais pas si tout le monde a capté vraiment, ce qu'il a dit en anglais. Là, je suis encore ému comme maintenant. Là. Maintenant, frère Cyril, maintenant, ma question prend tout son sens. Je recommence encore ma question. Les médecins arrivent à l'étape où ils appellent cela, ici, c'est cliniquement impossible. Comme le cas que notre bien-aimée sœur Reine a pris, de quelqu'un à qui on transmet la sonde, de la nourriture au travers de la nuque, et puis cette personne-là est dégoûtée de la vie parce qu'il se voit misérable. Ici, la médecine ne peut lui pas l'aider. on ne peut rien, absolument rien faire. Ils disent là, tous les livres scientifiques ne peuvent plus rien pour lui. Alors je pose donc la question, à cette étape, c'est pourquoi les médecins ne se réunissent pas et demandent au Seigneur, y a-t-il pas quelqu'un ou bien quelqu'un au-dessus de nous qui essaie de nous faire comprendre que notre limite, c'est là où il commence? Et ici, nous avons un témoignage de quelqu'un qui, j'ai essayé de relever tout ce qu'il disait, il prenait au pif à ce qu'il a dit. Il a dit, je répète encore en français, avant qu'on épilogue là-dessus par rapport à cette limite-là, le 12 novembre 2003, il est tombé. Il a commencé par saluer Ban Ki-moon, qui était secrétaire général de l'ONU à ce moment-là. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas en train de voir, pour ceux qui ne sont pas en train de vivre ceci, puisque ce n'est pas en vidéo, c'est sur Bamba Iba, c'est intitulé Témoignage du Seigneur Jésus-Christ à l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies. Vous pouvez suivre ce témoignage là-bas, c'est en vidéo. Et donc, je recommence encore. Ce témoignage-ci, tel que présenté en anglais, se trouve dans la salle des Nations Unies où les grands de ce monde, le président de la République, la 72e session des Nations Unies est ouverte là-bas. Où Macron, le président des Français, et puis Donald Trump a prêché là-bas pour pouvoir donner les discours du monde. Et c'est ici dans l'Assemblée des Nations Unies où toutes les personnalités, y compris les princes de l'Arabie Saoudite, du Qatar, tous ces pétroliers sont assis là-bas. Ce monsieur se tourne vers eux, donne leur révérence qui leur sont dues en tant que titre diplomatique, parle au secrétariat des Nations Unies, encore que pour venir s'exprimer là-bas, il faut avoir l'accréditation, être programmé par les Nations Unies. Donc ici, donc, ce que nous appelons l'Organisation mondiale de la santé est au courant de cet agenda qui est en train de se présenter aux Nations Unies. Ceux qui coordonnent le médecin et la médecine du monde sont au courant de ces faits qui est testé et attesté et vérifiable avec les sources. Ici, il ne s'agit pas de noirs pour qu'on dise que les noirs sont émotionnellement religieuses. Ici, il s'agit d'un blanc, un Australien. Alors, il salue le secrétaire général Ban Ki-moon, les vice-secrétaires avec toutes ses excellences qui se trouvent dans la salle. Les Arabes, et y compris même les médecins, même du Médecins Sans Frontières, de Croissant Rouge et Croix-Rouge, qui sont là, assis dans la salle, et il dit, je cite pour ses propres mots, « Vous cherchez des miracles. Je vais vous en donner un. » Le 12 novembre 2003, alors que j'étais à l'aéroport de Sydney, il a été atteint de crise, vous appelez crise cardiaque, d'un arrêt cardiaque. Il a reçu 10 électrochocs. Puis lui de dire, aux États-Unis, on électrochoc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'électrochoc, il s'agit d'essayer d'envoyer des courants électriques pour pouvoir envoyer, pour pouvoir réveiller et réanimer le cœur qui arrête d'essayer de battre. Ils disent, aux États-Unis, le nombre maximum de cet électrochoc, c'est 3. En Australie, c'est 4. Et on a fait 10 électrochocs sur son cœur, rien ne s'est passé. Donc on avait été le maximum. Donc normalement, à ce rythme-là, on a même grillé même la mort qui se trouvait dans son cœur avec les électrochocs. 10 électrochocs. Souvenez-vous, il a dit au secrétaire général, il dit que vous cherchez le miracle, voici un. Ça veut dire que voici un témoignage de la grâce vivante, de la manifestation vivante du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, la conclusion du médecin qui l'a surveillé pour dire, on n'a jamais vu ceci, vous avez dépassé toutes les bornes et les limites de la médecine. Et cet homme de leur époque lui répliquait, je ne l'ai pas fait, c'est Jésus-Christ, je connais qui l'a fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il présente Jésus-Christ de Nazareth aux Nations Unies comme solution, le prince de paix pour toutes les pourritures du monde. Il dit, vous essayez de chercher la paix, vous essayez de chercher des choses pour pouvoir résoudre les conflits du monde. Je vous présente Jésus. Il le présente à chapitre 2, le verset 38. Ce monsieur dit qu'après, dans l'ambulance, alors qu'on le transportait à l'hôpital, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, est apparu là-bas, a touché son cœur et son cœur a commencé à réveiller, à battre de nouveau. Après un diagnostic à l'hôpital, on a contrôlé ce qu'il appelait DNA, c'est l'ADN, c'est DNA, c'est l'ADN en anglais. Et donc, la pathologie était créée par ce qu'il appelait avec son abréviation sur l'ADN. Donc, ici, médicalement, ce n'est pas possible de séparer ce gène-là de l'ADN. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il t'a guéri, a littéralement séparé ça de chaque gène de ton ADN. Il dit, c'est quasiment impossible médicalement. Si le Seigneur Jésus-Christ peut aller dans le sang de quelqu'un, guérir chaque ADN, Dieu sait combien il y en a dans le corps, guérir toutes ces pathologies qui se trouvent dans le corps, toutes ces anomalies qui se trouvent dans l'ADN, en les nettoyant systématiquement de l'ADN, son système sanguin est revenu à la normale. Il est allé au check-up. À 7 semaines après cela, en Australie, il est rentré lui-même chez lui. Et en 2004, il dit qu'il est allé à Jackson, dans le Tennessee, aux Nations Unies, aux États-Unis. Après le check-up, on a dit qu'il est totalement en parfaite santé. Fin de citation. Voilà le miracle qu'il propose donc au monde. Alors, je repose donc ma question que j'ai posée tout à l'heure. Voici un témoignage vivant, médicalement prouvé. Il y en a plein dans le monde entier. Des gens pour qui Jésus a changé totalement le sang, parce que, alors qu'ils avaient le cancer, la leucémie, le cancer du sang, a nettoyé totalement le sang. Le miracle est là, cliniquement prouvé. Pourquoi donc ces médecins donc là ne prennent pas de ces cas cliniques pour dire, ok, désormais, il faut qu'on regarde vers Jésus pour les cas qui nous dépassent. Pourquoi? Voilà ma question maintenant ce soir, médecin, blouse blanche pour Jésus. Avec ce témoignage-ci, qu'est-ce que tu en dis, frère Cyril? Bon, en fait, il y a plusieurs points. Premier point qui me vient à l'esprit, c'est que il faut déjà savoir que le règne des ténèbres a une autre orientation pour le monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour le règne des ténèbres de faire penser à ceux qui se croient sages qu'il y aurait une autre solution que leur petite recherche scientifique. Donc le monde des ténèbres a aussi un plan qui est de faire croire aux gens que c'est la recherche scientifique et les exploits humains qui vont avancer, font faire avancer la médecine jusqu'à son paroxysme. Et maintenant, à côté de ça, il y a aussi une médecine alternative qui est en train de se créer aussi. Tu sais, en Afrique, on a ça avec les petits marabouts et sorciers, mais ici en Europe aussi, il y a certains aussi qui font le magnétisme et l'occultisme. Oui. Tu vois, ce qui fait que même quand certains sont bloqués au niveau de la médecine conventionnelle, ils courent souvent en recueil. Mais ces gens qui pratiquent j'en connais même, qui pratiquent le magnétisme. Je prends l'exemple d'une de mes connaissances qui avait des problèmes d'articulation. Elle est partie, je vois, toute forme de médecins rhumatologues et consorts, on n'a pas pu l'aider. Le monsieur a pris juste on appelle ça comment en français là, oh là là, une horloge. Avec une horloge qui balance comme ça, il lui a posé ça sur les deux genoux, quelques secondes, et de l'eau disparu. Oui. Donc il y a aussi ce genre de proposition là, qui vient du fruit de monde des ténèbres et qui tend à être la continuité de la limite de la médecine conventionnelle. Tu vois un peu, oui. Ce qui fait que maintenant, pour qu'on donne la brèche du Seigneur, il faut vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je crois toujours que le temps viendra où le Seigneur va, c'est-à-dire même les pieds des gens vont pousser. C'est-à-dire les mains coupées vont pousser, afin que les gens sachent que, entre l'imitation et le véritable Seigneur, le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Alors, frère Gaël de l'Italie de Véron, bonsoir et bienvenue dans Blues Blast dans la sainteté. Alors, frère Gaël, si tu nous entends, ton micro est certainement fermé. Le temps pour toi d'ouvrir ton micro et de nous revenir. Le frère Yassine, bonsoir et bienvenue. Et je crois que nous avons quelques soucis là maintenant avec la connexion de ce côté-là. Vous m'entendez, le frère Ibad, vous m'entendez aussi? Bonsoir, merci mon frère. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Voilà, c'est la direction Sydney, Tennessee maintenant. Alors, avant que tu n'entres en scène, tout à l'heure, nous venons de voir une vidéo de témoignage sur Bamba Iba. Et cet homme-là, je ne sais pas si tu as écouté cela. Oui, t'entends, mais c'est un peu... Oh là. Voilà. Oui. Ok, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? La sœur, vous m'entendez? C'est entrecoupé. Je crois que c'est la connexion. Oui, ça va. Bon, je crois que nous allons patienter pour que ça puisse... Là, on t'entend, mais c'est entrecoupé, mon frère. Quoi entrecoupé? Beaucoup entrecoupé. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Je crois que c'est bon là maintenant. C'est bon là maintenant? Ben, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Parle pour qu'on voit. Voilà. Alors, oui, là, ça va. Le frère Gaël, est-ce qu'il est là? Gaël de Véron en Italie, est-ce qu'il est encore connecté? Oh. Vous m'entendez toujours, c'est bon? Alors, le frère Gaël est-il là? La sœur Reine, est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Je crois qu'on a quelques soucis de connexion maintenant. Quelques soucis de connexion. Le frère Iba m'entend aussi. Blues Banda la sainteté, bonsoir. Je crois qu'il est question, il est temps qu'on prenne de l'urgence. Je crois que c'est l'urgence maintenant. Vous m'entendez maintenant? Il a écrit pour dire que sa connexion dérange beaucoup à cause de l'épaisseur de ses murs. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, c'est vrai. En fait, dès que tu commences à parler, vraiment, ça se recoupe énormément. Je crois que la connexion. Oui, le frère Gaël a des problèmes de connexion également du côté de Vérone. Je crois que nous avons touché le tournant de la chose maintenant et Satan ne veut pas qu'on dénonce, quoi. Maintenant, je crois que c'est stable maintenant, le frère Iba. C'est stable. Oui, là ça va, mais parle toujours, va bien. Alors, je tente de poser la question, je ne sais pas si vous m'entendez, le frère Cyril et le frère Yassine. Frère Yassine, avant que tu ne te connectes, cet homme-là parlait du sang qui était totalement coagulé dans ses veines. Et il était cliniquement mort à l'arrivée, ce qu'il appelait DAO. Et puis il a dit à haut contrôle. Il a fait 45 minutes de mort cliniquement. Et il explique qu'en médecine, maximum 6 minutes, il y a la destruction cérébrale. Comment peut-on expliquer ceci qu'après 45 minutes, le cerveau est en parfait état, le sang est en parfait état? N'est-ce pas un miracle vraiment témoignant comme ça devant les Nations Unies où se trouve l'OMS? C'est la question que je pose. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, frère. Voilà. On t'attend, t'attend. Voilà la question, donc. Qui répond à la question? Ben, tu avais posé la question au frère Yassine, maintenant, je ne sais pas si. Peut-être le frère Yassine n'est plus connecté. C'est ça. Mais sinon. Il est connecté, il est connecté. Oubliez le dégât. Sinon, clairement, ça, c'est un miracle. Mm. Parce que si pas extraordinaire, il avait pu s'en sortir, normalement, il aurait dû s'en sortir avec des séquelles pas possibles, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait dû être... paralysé pratiquement de tous ses membres parce que toutes les veines toutes les de son cerveau tout donc normalement il devait avoir des séquelles il devait s'en sortir comme un légume comme le disait la sœur Anne tantôt oui. Parlant d'un autre cas donc là c'est clairement un miracle vivant et il a dit il n'y a que l'auteur de la vie puisse le faire. Oui. Et c'est lui qui est venu, qui a touché son cœur. Mmh. Voilà. Là, je reste avec toi, frère Iba. Je ne sais pas si tu m'entends. Je reste avec toi. Tu travailles, souvent sous la houlette des Nations Unies, principalement de l'OMS. N'est-ce pas être malhonnête que, après avoir écouté un de tels témoignages comme ça, on continue toujours à faire la sous-oreille au Seigneur Jésus-Christ? Dans les Nations Unies. Oui, mon frère, en fait, de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, En tout cas, à l'OMS, enfin aux Nations Unies, ce serait se contredit. Le monde actuel est sous la puissance du malin. C'est lui qui dirige. Donc, tous ces organismes-là sont contrôlés par Satan. Donc, c'est normal qu'ils ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, quels que soient les témoignages qui vont venir, comme ce brave frère qui est venu s'arrêter à la tribune des Nations Unies. Même s'il y a une multitude de personnes qui viennent, eh bien, ils trouveront toujours à redire. Voilà. Donc, voilà, c'est seulement au règne du Seigneur que il va s'imposer. Sinon, actuellement, c'est impossible. Alors, Ban Ki-moon, il est de la souche bouddhiste, de par nature. À côté de lui, dans cette séance-là, se trouvent des Arabes. Et dans la salle, se trouvent des scientifiques et des sceptiques. Quel est le rôle du Seigneur Jésus-Christ d'envoyer quelqu'un dans un endroit aussi haut placé d'idolâtrie et de syncrétisme, j'allais dire d'écuménisme et d'incrédulité, de témoigner de sa grâce vivante, qu'il est encore vivant pour toujours? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut leur montrer? Voilà, très bien, très bonne question. En fait, il veut leur montrer sa toute-puissance, mais en réalité, ce qui est en train de passer devant eux, là, physiquement, quand ils vont se retrouver là-bas, au jugement, l'écran va s'ouvrir. Ils vont réécouter cette personne qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et là, ils n'ont que la bouche fermée. Voilà. En fait, c'est le but du fait, enfin, c'est l'objectif que le Seigneur Jésus-Christ vise. C'est de les condamner avec des propos qu'ils auraient entendu parlant de là. Voilà. Le frère Yassine, rebonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de faire appel à ton expertise dans Blues Blanc et à la sainteté. C'est toujours un plaisir de renouveler, de vous écouter, d'être parmi vous. Amen. Ici ce soir, nous venons de voir le témoignage d'un frère que le Seigneur, la grâce du Seigneur a visité. Et j'aimerais donc citer quelques points essentiels de son témoignage et on analyse ensemble en voyant s'il est possible que ce soit un hasard. Parce que les gens pensent toujours, lorsque ça arrive à un niveau donné où c'est incompréhensible, on parle de coïncidence. Est-ce que c'est possible que quelqu'un de son âge tombe et meurt après 10 électrochocs sur sa poitrine, meurt pendant 45 minutes déclaré cliniquement? Pas par la médecine de l'Afrique pour qu'on puisse comprendre que non, ils ne sont pas assez outillés pour avoir le diagnostic. C'est à l'aéroport de Sydney, il donne le jour, le 12 novembre 2003, transportant dans l'ambulance de l'aéroport, il y meurt après 45 minutes réveillé, les poumons sont testés, après l'analyse de sang, l'ADN est nettoyé de cette maladie qui dérangeait. Après 6 minutes, dit-il, le cerveau est touché. Et il est rentré chez lui indemne. Les médecins ont été astonishés, comme il l'a dit. Y a-t-il brin qu'ici se trouve des coïncidences quelque part, coïncidences médicinales quelque part? Bon, à mon avis, je ne crois pas qu'il puisse avoir des coïncidences. Et je ne crois pas pour directement. Je crois que Ça c'est une grâce du Seigneur que ce monsieur a eu. Oui. Maintenant, mettez-vous dans la peau des médecins qui sont des incroyants et qui, entendant ces genre de choses, ces genre de témoignages, vivant cela devant vous, que penserez-vous que ceux-là penseront? Bon, ça c'est une question. Je dirais, ça dépend de quelles sont tes médecins que tu as devant toi. Il y a des gens qui diront, ok, ça peut arriver. Et je crois que ce ne sont pas des caras. Oui, bon, je ne peux pas dire des caras. Il y a des sollicités, c'est un cas exceptionnel. Mais il y a des cas, généralement, qui amènent les médecins à se poser la question, est-ce que la médecine, c'est tout ce qu'on a? Et la réponse est claire. La réponse est claire, non, parce qu'il y a des cas où le médecin lui-même dit que ici, là, ça ne va plus aller. Et quelques minutes ou quelques jours après, le patient revient. J'avais dit, tout se passe bien pour le patient. Donc, ce ne sont pas des cas rares. Et je peux prendre un exemple encore d'hier de cela, peut-être 2 semaines, je vais être très court. C'est toujours un malade, par exemple, que nous, on avait en soins intensifs et où tout le monde a dit qu'il devait mourir. Alors, bon, on a donc décidé d'arrêter certains médicaments et tout. Le monsieur avait une pression, je crois que tous les médecins qui sont là sont d'accord avec moi, que quelqu'un avec une pression de 50 sur 30, c'est difficile qu'il vive. Et le monsieur a une pression entre 5, dans la pression normale, c'est entre, disons, 120 et 80. Et généralement, quand on dort, on peut descendre environ 90 à 60. Mais une pression de 50 sur 30, ça c'est vraiment quand on va dire le patient va mourir. Alors le monsieur a fait 2 jours dans cet état-là. Et aujourd'hui, je veux dire, il marche même. Or, tout le monde avait parié que le monsieur allait mourir. Donc, ce sont des cas en médecine qui arrivent où les médecins, où certains médecins se disent qu'il y a vraiment quelque chose au-dessus de la médecine, il y a quelqu'un qui a la puissance. Mais c'est pas pour tout le monde, frère. C'est comme on va dire, tout le monde ne va pas croire. Il y a des miracles, tu peux ressusciter quelqu'un devant un médecin, il trouve des explications. Donc, ce sont des cas qui arrivent, qui montrent simplement qu'il y a quelqu'un qui est tout-puissant. Oui, justement, parlant de tout cela, nous avons les expériences de mort imminente du docteur Moody qui sont disponibles quoi, sur YouTube où les gens peuvent consulter et voir des gens qui ont eu ces expériences de mort imminente avec la description de l'au-delà pour les uns et les autres et bien documenté et bien outillé. Maintenant, dans la première vidéo, dans la vidéo sur des BFMTV, de nos amis de BFMTV.com, le médecin qui parlait à la fin de la vidéo parlait de la cellule d'écoute qui est mise là-bas pour accompagner et puis conseiller d'abord ceux qui viennent pour l'euthanasie. Et puis surtout, il a parlé de l'accompagnement spirituel. Qu'est-ce que l'accompagnement spirituel vient faire dans une cellule d'écoute des médecins? Et qu'est-ce qu'ils appellent par accompagnement spirituel? La sœur Reine, parce qu'il s'agit de vous dans Belgique et vous tous d'autres qui exercez là. Ah, mon frère, De façon claire, dans vos médecines, vous accompagnez quelqu'un spirituellement comment? Quand vous rejetez déjà le domaine spirituel. N'est-ce pas un paradoxe, encore une fois de plus ici? Je crois que vous avez bien suivi. Je crois que pour mettre les gens dans le bain, c'est mieux que nous réécoutions encore la vidéo, n'est-ce pas? D'accord. Voilà, je crois que ce serait mieux d'écouter la vidéo. Une seconde, et puis vous avez la vidéo. Michel Couder a 67 ans. Depuis l'adolescence, il se sait atteint de neurofibromatose, une maladie incurable et dégénérative. Depuis quelques mois, la douleur ne le quitte plus, mais après une vingtaine d'opérations, Michel ne veut plus entendre parler d'hôpital. À un moment donné, vous ne pourrez plus rester ici tout seul. Si, mais je serai mort, c'est tout. Mais c'est facile, hein, je me laisse mourir. J'appelle pas au secours. Se laisser mourir seul, renoncer aux soins, une extrémité incompréhensible ici. Dans ce centre de soins palliatifs, l'accompagnement est la priorité. C'est un accompagnement général, c'est un accompagnement à la fois physique, psychologique, à la fois social, un soutien spirituel. Oui, c'est un accompagnement vraiment très très général et global, oui. Voilà. Je crois que là, vous avez entendu ça de la bouche des médecins maintenant. Je crois que c'est clair. Mais en fait, comme il le dit, accompagnement physique, spirituel, Moral. tout ce qui est dit. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est un succès. Ah, d'accord. Physique, spirituel, moral, tout ce qu'il veut. En général, au niveau des soins palliatifs, c'est voilà, cet accompagnement-là, surtout psychologique. Il prime beaucoup le psychologique. On appelle à venir le psychiatre, le psychologue pour l'accompagner, pour essayer de le soutenir moralement. Pour ceux qui sont croyants, je suppose, quand on va leur dire, bon voilà, si vous voulez peut-être appeler un prêtre ou je ne sais pas quoi, vous pouvez le faire. Mais en général, c'est tout un accompagnement psychologique d'après ce que j'ai toujours vu. Voilà, il y a plusieurs psychologues à disposition du patient. S'il a de la famille, on va faire des thérapies familiales pour pouvoir l'aider dans ce sens-là, vu que ce patient, clairement, il refuse les soins. Et en général, c'est ce qu'ils font. Mais spirituel, moi, je ne pense pas que ce soit ce que nous entendons vraiment par spirituel. Hein. Et ceux qui croient en Dieu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont, voilà, si tu es musulman, tu vas faire ton truc. Si tu es catholique, en fonction de la croyance de tout un chacun. Voilà, en gros, c'est généralement ce qu'ils font. Frère Iba, quelqu'un a quelque chose à ajouter? C'est quoi l'accompagnement spirituel dont parle ce médecin alors qu'il ne croit pas dans le domaine spirituel? Bon, je pense que, bon, je pense que c'est ce que la sœur RM vient de dire. C'est à l'intérieur des structures de santé, même ici, il y a des chapelles et compagnie. Donc, le prêtre peut venir faire ses bricolages. Voilà, et bon, s'il y a des dénominations aussi, voilà, le pasteur peut venir. D'autres aussi, c'est des bouddhistes. Enfin, voilà, selon les obédiences religieuses, voilà, il peut se faire accompagner par ces personnes-là. Je pense que c'est ce qu'il entend par accompagnement spirituel. Bon, voilà. Même si lui-même ne maîtrise pas vraiment de ce dont il s'agit. Voilà. Donc, une fois de plus, on voit la malhonnêteté de ces gens-là. Ils essaient de montrer à ces gens-là qu'on essaie de toucher le domaine spirituel pour accompagner la personne à bien mourir. Oui, frère Hassan, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter quelque chose. Je crois que j'ai assisté à une scène. C'est quand? Je crois que c'est hier. C'est hier où mes subordonnés, on était assis à table. Son mandat, mes subordonnés étaient assis et ils parlaient de Dieu. Ils ne parlaient pas de Dieu, en fait. M'excuse, ils parlaient de la religion. Un s'affirmait et affirmait être content d'être protestant. L'autre se moquait. Il a dit quelque part qu'il y a dans certaines religions où on baptise les gens quand ils sont adultes. Il appelait ça les sectes. L'autre était assis parmi. Il disait que il a fait baptiser son père. Quand son père entra à l'hôpital, et son père était malade. Donc il a appelé le prêtre pour qu'on fasse vite baptiser son père. J'étais assis au milieu de ces gens. Ce sont des médecins. Quand je dis mes supporters, ça veut dire que ce sont des chefs, ce sont des gens spécialistes. Ça veut dire que ce sont des gens, quand tu as des questions difficiles, tu les rencontres. C'est pourquoi je vais un peu. Quand je les ai écoutés, je n'ai rien dit, mais j'ai eu beaucoup de compassion pour eux. Parce que ça m'a donné l'impression, voilà des gens qui cherchent Dieu, mais qui n'ont certainement jamais connu la voie, ou bien qui n'ont jamais su comment chercher Dieu. Tu vois, pourquoi? Parce que déjà dès l'enfance, on est ancré dans une forme de religion sans paix et hors paix. Et je crois que c'est en fait ça le problème. J'ai beaucoup de personnes. Peut-être je suis arrivé là, bon, hasard. Je fais ce qu'on m'a dit. Généralement, à midi, je ne vais pas manger parce que j'ai beaucoup à faire. Mais après, je suis juste sorti, je suis allé manger, je m'assois là. Et tous vraiment disaient, je suis catholique baptisé, je suis ceci. Tu sens vraiment que ce sont des gens qui cherchent Dieu, mais qui ne savent pas comment le trouver. Et c'est pourquoi parfois je me dis, voilà, c'est bien, tu vas faire des tas de miracles devant ces gens. C'est comme devant les gens où le Seigneur pouvait faire des miracles, où tu te demandes, mais pourquoi celui-ci ne peut pas accepter, voir que voilà un miracle, voilà quelque chose que le Seigneur a fait. Et voilà, ça fait mal, mais ça fait mal, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ces grands chefs de la médecine, pour ton cas, de ton témoignage, étaient des Allemands de pur sang. Oui, c'est des Allemands de sang, de couche. Ce sont des Allemands de couche, vraiment des purs, oui. Et généralement, ce sont des débats où moi, c'est la première fois. C'est la première fois que j'écoute ce genre de conversation. Et c'est là où je me suis vraiment dit, ben, écoute, voilà, hein, c'est vrai qu'ils sont là, chacun te donne l'impression de ne pas connaître ou de ne pas avoir de vie spirituelle, mais tu sens que chacun, tous, cherchent ce Dieu-là. Mais à la manière que le monde veut, en fait. Dans la religion. Dans la religion, voilà. Je crois que la sœur Monique doit fermer son téléphone parce qu'elle est dans un espace public et elle a les enfants. Si tu m'entends, ferme ton micro. Le frère Cyril, y a-t-il des choses à ajouter avant qu'il ne pose quelques questions, avant qu'on entre dans les Saintes Écritures maintenant? Frère Iba, y a-t-il une préoccupation, quelque chose encore à ajouter dans tout ce que nous avons fait? Non, frère, je pense qu'on a, on a plus ou moins fait le tout, hein. Maintenant, on peut rentrer dans le volet Voilà. qui Voilà, avant d'entrer dans le bon. volet, donc, nous allons prendre. Oui, Vous frère Yassin. Me permettez encore, je ne sais pas pourquoi, c'est d'un si j'ai beaucoup insisté, j'ai pointé des petites choses que je partage encore avec vous, mais je serai très bref dans ce cas-ci. Oui. Voilà un autre cas qui arrive. Oui. Je m'en vais vers une femme encore, toujours une patiente, puisque très, très malade. J'arrive, au fait, beaucoup de médecins ont essayé de faire une thérapie qui n'ont pas marché, et je suis allé vers elle, je lui ai dit, je vais essayer. Elle me dit, oh non, je ne veux pas parce que beaucoup de gens ont essayé et puis bon, moi, ça me dérange. Elle me dit que bon, j'essaie juste une fois, si ça ne marche pas, je laisse. Après, elle me dit que, ok, vas-y, alors peut-être tu auras la chance. Dans la blague, je lui ai dit, je ne crois pas à la chance, je crois en Dieu. Elle rit. Elle me dit, elle sourit, sourit. Après, elle me dit, elle aussi, elle croit en Dieu. J'ai dit, ah bon? Elle me dit qu'elle croit en Dieu, mais elle croit que ce Dieu-là l'a oublié. Ça, c'est une parole qui m'a aussi beaucoup touché quand elle m'a dit ça. Je n'ai pas continué la conversation avec elle parce qu'elle souffre vraiment d'une maladie très grave. Je n'ai pas continué la conversation avec elle, mais ça m'a aussi mis, au fait, ça m'a aussi, ça m'a posé à savoir, il y a des gens qui cherchent ce Seigneur, mais la religion est comme un mur qu'on a placé devant les gens. Et je crois que c'est ça le pire problème de l'humanité, au fait, La religion. à mon avis. La religion, donc c'est que c'est un mur qu'on a mis devant les gens. Et en me disant ça, je voyais vraiment comment elle pensait. Elle ne disait pas seulement à l'air. Elle me dit, moi-même, je crois en ce Dieu, mais j'ai l'impression qu'il m'a abandonné. Voilà ce qu'elle me dit. Couché sur un lit, ayant cherchant la thérapie, cherchant cherchant la thérapie adéquate à sa maladie. Où était Dieu alors en cette tout ça là-dedans? Pourquoi Dieu l'a abandonné? Tu lui as qu'est-ce que tu lui as dit, mon frère? En fait, comme je dis, pour être clair, je n'ai pas continué la conversation avec elle. Et par contre, là, Je lui ai tu n'as dit. pu essayer la solution dont il est question. Quelle solution, frère? Puisqu'il était question d'essayer aussi une solution de ton côté. Non, ce que je venais essayer avec elle, bon, tant que par la grâce du Seigneur, ça a marché. Mais disons que je n'ai pas continué la conversation. En fait, juste parce que je ne me sentais pas guidé, je ne savais pas comment j'allais amener la femme, en fait. Oui. Et donc, je ne savais pas quelle voie prendre avec la femme. C'est pour puisse, ça que je n'ai pas continué la conversation, en fait. puisse Dieu oindre vous qui êtes les médecins afin que votre blouse blanche se transforme en vêtement de délivrance et de guérison. Amen. Oui, c'est ma prière. Amen. C'est ma prière. C'est ma prière le plus profond. Imaginez-vous tout simplement que les chrétiens que nous sommes comme ça, principalement chacun dans son domaine, a ce vêtement du Saint-Esprit et que chaque fois vous imposez le mot malade, les malades sentent cette électrique-là qui passe au-dessus de lui et qui guérit, sort. On va vous renvoyer, oui, on va vous nommer chef des hôpitaux. Vous le dites. Amen. Amen. Alors, maintenant, faisons des diagnostics maintenant. Prenons nos bistouris. Après avoir saisi nos bistouris, nous allons essayer de tourner nos méninges en posant quelques questions maintenant. Nous allons poser la question principalement. Quelles sont les causes immédiates et lointaines qui poussent les gens à l'euthanasie? Voilà la question que nous allons essayer d'épiloguer avant d'entrer dans les Saintes Écritures. Les causes immédiates et lointaines qui pousse les gens, qui peuvent amener un être humain à accepter l'état de supprimer sa vie par la suite d'une souffrance. Quelles sont donc les causes immédiates et lointaines que nous pouvons observer? Et nous allons les analyser et regarder les solutions qu'on pourrait les proposer. Parce que d'après ce que nous avons vu là, les médecins disent clairement, je crois que ce serait mieux d'écouter encore une autre vidéo et puis suivons une prochaine vidéo et puis on va voir ce que ces médecins-là disent. Yves Delocte est médecin généraliste en Belgique depuis 40 ans. Cela fait 10 ans qu'il pratique l'euthanasie. Je fais des euthanasies pour des gens que je connais. Je crois que c'est un collègue de la sœur Reine, nous allons le voir maintenant. Qui ont fait une demande répétée. Je crois que c'est Yves, il s'appelle, c'est un médecin Yves Delocte. Je crois que c'est peut-être celui qui a formé la sœur Reine. À la fin de la vidéo, vous allez savoir pourquoi je dis que c'est peut-être celui qui a formé la sœur Reine. Je crois que la sœur Reine doit la connaître. C'est encore un autre magazine, une autre vidéo de bfmtv.com. Alors, on y va. Yves Delocte est médecin généraliste en Belgique depuis 40 ans. Cela fait 10 ans qu'il pratique l'euthanasie. Je fais des euthanasies pour des gens que je connais depuis longtemps, qui ont fait une demande répétée, chez qui on a un dossier en béton où il est prouvé qu'ils ont telle et telle maladie. Je ne dis pas toujours oui, j'ai une personne qui est venue me voir récemment, qui souffre de psychose et qui est bipolaire et qui est maniaco-dépressive et qui en a marre de la vie. J'ai dit non, je ne le fais pas. Il est parti de mon bureau en claquant la porte. Pour ce médecin, chaque euthanasie est différente. Un moment difficile pour les familles, mais aussi pour lui. C'est pas un geste facile, c'est vraiment pas un geste facile. J'ai pas envie de faire ça tout le temps. Je dois me préparer, après je suis soulagé, mais quand même pas très bien, très fatigué, nerveusement. Ce qui a poussé Yves Delocte à pratiquer l'euthanasie, c'est le besoin de soulager ses patients. Je lui ai dit, vous me regardez. Il n'y avait pas du tout un regard triste ou méchant. Il y avait un regard apaisé. Et il voulait encore presque m'embrasser, me dire merci. L'euthanasie est dépénalisée en Belgique depuis 2002. Pour la pratiquer, ce médecin a suivi une formation spéciale de 2 ans et doit respecter des règles strictes. Notamment demander l'avis d'un autre spécialiste. Et ce deuxième médecin doit confirmer le diagnostic du premier médecin et confirmer que ce patient est atteint d'une maladie grave, incurable et qui entraîne des souffrances physiques et psychiques insupportables et inguérissables ou inapaisables. Environ 1000 euthanasies sont pratiquées en Belgique chaque année. Des fins de vie qui marquent à jamais les familles et les médecins. J'essaye de penser à autre chose, mais j'ai encore rien que de vous en parler. Je vois tous ces visages devant mes yeux. Je n'ai aucun regret. Voilà. La sœur Reine, n'est-ce pas ton professeur ici? Il a dit qu'il n'a aucun regret. Qu'est-ce que tu en dis? Premier commentaire, c'est toi qui as la... Allons-y, commentaire. Tu le connais, n'est-ce pas? Non, mon frère, je n'ai pas vu son visage. Donc, ce n'est pas ton professeur. Il est à Bruxelles et il pratique depuis 40 ans. Et ça fait 10 ans qu'il tue des gens. Ah. Et il dit qu'il n'a aucun regret en rien. Toi, tu as des regrets, ma soeur? Mais, mon frère, est-ce que j'ai tué des gens? Ah non, tu n'as pas tué les gens, tu as seulement pratiqué l'euthanasie. Donc, il y a une nuance entre les champs lexicaux de tuer, suicide. Et vous voyez effectivement que vous m'avez malaxé ce soir, vous n'avez pas voulu définir tuer, suicide, se laisser mourir, meurtre, euthanasie. Donc, tu as seulement euthanasié sans tuer. Voilà, nous avons compris le jeu des mots. Frère Iba, tu as écouté ces médecins parler. Qu'est-ce que tu en dis? Bon. Frère, il a l'air tendance. En fait, il y a un écho qui revient. Oui, je crois que c'est à cause du partage d'écran là. C'est bon maintenant, c'est bon. Allons-y. Voilà. Non. Je pense qu'il est tranquille dans la tête. Mmh. Bon, voilà. Ça montre clairement que il ne craint pas le Créateur. Mmh. Donc, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Voilà, et qui sache qu'il aura à répondre de ses actes, c'est tout. La dernière fois, dans la première séance, il y a une soeur qui nous a dit qu'elle a eu à pratiquer ça plusieurs fois, elle ne savait pas. Mais dans cette autre vidéo de BFM TV, on dit 1000 personnes sont tuées. N'est-ce pas la statistique, y compris ce que cette soeur-là disait qu'elle avait à pratiquer dans son hôpital aussi? 1000 personnes sont tuées en Belgique par an. Par an. Ouais. Terrible. Bon, oui, ça, effectivement, ça confirme. Mais en fait, ce qui serait intéressant même de voir, c'est de, puisqu'ils font les statistiques, c'est de regarder, depuis qu'ils ont, comment on appelle ça, légalisé l'euthanasie, de voir le taux de mortalité et de comparer avec avant, quand on se débattait pour soigner les patients et les aider à s'en sortir, en tout cas avec les moyens dont disposait la médecine, et voilà, avec ceux qui mouraient maintenant d'eux-mêmes, enfin. Voilà, ceux qui mouraient de mort plus ou moins, on va dire, naturelle. Oui. Donc, de comparer un peu les deux périodes et puis on verra bien si c'est pas eux qui finalement sont en train de gréver les taux de mortalité définitive. Voilà. Alors, avant d'aller dans le questionnement que j'ai posé par rapport au diagnostic des bistouris tout à l'heure, là, de nos méninges, autre question me vient à l'esprit et j'aimerais poser à ceux qui sont en Europe, principalement en Allemagne. En Allemagne, il y a des zones de restriction où on ne peut pas tuer des animaux, la protection des animaux. Et en Allemagne, j'ai entendu une histoire où il y avait un monsieur qui a cogné un arbre, une espèce d'arbre, et après, à l'issue de l'accident, le monsieur est mort et l'arbre a été défiguré. Par la suite, la commune a envoyé le frais et la pénalité à la famille de payer pour l'arbre. Donc l'arbre coûte cher en Europe qu'un être humain. Renverser un arbre, on doit payer les choses, alors que les hommes se font tuer avec les bistouris à l'aide des médecins. Si on tue un lapin, on paye les pénalités des amendes. Si on tue une pintade, on paye les pénalités. Donc les animaux sont mieux outillés et mieux protégés en Europe que les hommes. Frère Yassin. Oui, c'est vrai que l'histoire, c'est vrai que c'est en Allemagne une loi qui dit quand tu endommages un objet public, soit c'est ton assurance qui paye, soit c'est toi qui payes les charges. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu entends par tuer par les bistouris. C'est comme si c'est un médecin qui te prend consciemment et te tue. Un médecin, oui. Par exemple, qui te regarde, tu souffres depuis 7h jusqu'à 16h. Elle en a la salle, elle dit qu'il faut qu'on enlève le tuyau, quoi. Tu souffres, elle demande qu'on enlève le tuyau. Oui, pour te laisser partir, pour que tu ne souffres plus, que tu ne souffres plus sur la tête, tu ne peux pas te reposer. Elle décide de ton repos. Bon, ce cas-là. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça ne dépend pas du médecin. Comme j'ai dit, le médecin, ce n'est qu'un petit être qui peut prendre une décision par rapport à une certaine connaissance qu'il a et par rapport à ce qu'on appelle ici, on appelle ça un light faden. Ça veut dire que ce sont des règles qui sont établies et sur lesquelles il marche simplement dit, ok, si ici, là, je vois que le patient a telle chose, je dois agir comme ça, comme ci, comme cela. Maintenant, je reprends bien. Quand tu enlèves, un patient n'est pas né avec un tuyau dans sa bouche. Et je dis aussi parfois parce que c'est un peu facile de poser, parce que bon, je crois qu'il ne faut pas répondre de sorte à ce que si quelqu'un nous écoute, il puisse balayer ce qu'on dit du revers de la main. Un médecin, c'est un être, s'il faut vraiment faire la médecine comme on croit parfois, c'est difficile pouvoir dire celui-ci-là je peux, l'autre je ne peux pas. C'est pour cela qu'on nous donne, on a des aides qui disent ok, voici si un patient a telle chose, faites, agis comme ceci, agis comme cela. Par exemple, quand je prends le cas de ma soeur elle, qui a posé dernièrement là, elle me dit qu'une femme de 88, c'était 92 ans, 90 ans, oui. Pardon, 95 ans, 95 ans arrive. Tu veux mettre cette femme en soins intensifs. Bon, vraiment, je crois que parfois on critique certaines choses parce qu'on n'a pas encore travaillé dans certains domaines. Là, c'est la solidarité du corps que tu veux amener là, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la solidarité du corps maintenant, la rescousse. n'est-ce pas? Non, frère, ce n'est pas la solidarité du corps. Au contraire, non, je crois que quand on veut frapper sur quelqu'un, il faut un peu regarder quel tu frappes sur qui, au fait. Parce que, je prends un exemple. J'ai travaillé en soins intensifs. Hein, frère, oui. Je ne te demande pas. Il y a un médicament qu'on appelle l'adrénaline, qu'on connaît tous. C'est ce que quand les patients n'ont plus de pression, on leur donne. Je peux un peu matérialiser un peu ce que ça signifie. Tu t'imagines, tu es couché au sol, frère. On prend un sac de 10 kilos. On met ça à 1 mètre de ta poitrine. On laisse tomber sur ta poitrine. Voilà un peu ce que le médicament a fait sur le cœur d'un patient. Et tout patient qui entre en soins intensifs, frère, quand tu fais une statistique de savoir comment ils se portent après les 5 ans qui suivent, ou après les 2 ans, ou ceux qui font après les 2 ans qui suivent, tu comprends que c'est vraiment intensif, parce que c'est vraiment une médecine. La question que tu te poses est que combien de gens profitent de ça, effectivement. Quand tu mets une mère de 95 ans en soins intensifs, tu dois te poser la question, tu vas atteindre quoi comme... Ce n'est pas la solidarité, frère. La question, c'est que je vais atteindre quoi comme objectif. Est-ce que je le fais parce que j'ai peur que dans mon cœur, le Seigneur va me dire non. Je veux atteindre quoi comme objectif? Est-ce que c'est une maman que le rein, que les intestins, que tout fonctionne encore, que je peux dire, ok, je peux aider son cœur et le reste des organes va fonctionner par la suite? Est-ce que c'est une maman que je dois plutôt mettre, je dois l'empêcher de subir cette torture-là? De l'aider peut-être en lui donnant l'oxygène, en l'aidant par exemple avec les soins qui peuvent la stabiliser. Parce que je crois que quelque part dans la vie, ou mieux à accélérer tout simplement son départ pour qu'elle ne souffre plus, quoi. Accélérer son départ signifie quoi, frère? C'est-à-dire, parce qu'il faut qu'on accélère son départ. C'est-à-dire aider, l'aider à mourir dignement. C'est quoi aider à mourir dignement? C'est ce que les médecins, vos collègues, ont appelé l'euthanasie. Bon, ça c'est autre chose, frère. L'euthanasie c'est autre chose. L'euthanasie ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient à l'hôpital dans le but de se faire enlever la vie. Oui. Mais même quand tu viens en soins intensifs, ce n'est pas une garantie qu'on te donne la vie. Parce que la soins intensifs ne donne pas la vie. Ce qu'on fait, c'est qu'on te stabilise et par la grâce de Dieu, tes organes se rétablissent. Oui. Le paracétamol ne soigne pas un patient. Le paracétamol aide un patient et c'est Dieu qui connaît combien de temps est-ce que le paracétamol la met ou bien pour guérir la personne. Je ne suis pas en train de supporter quelque chose. Faut pas que, enfin, je ne suis pas en train de supporter quelque chose. Oui. Mais je crois qu'on demande parfois trop à des hommes. C'est comme si on demandait à des dieux, au fait. Oui. Ils ne peuvent pas donner la vie, frère. Oui. Ils peuvent te donner un médicament, ils peuvent te stabiliser. Et par la grâce de Dieu, tu peux te rétablir. Et comme j'ai pris plusieurs cas ici, où je prends un exemple d'un patient qui avait un cancer. J'ai dit, c'est la semaine passée, je ne suis même plus en soins intensifs, j'ai changé de nom. Mais le Seigneur m'a envoyé ce jour-là là-bas. Il dit que tout le monde était d'accord qu'on allait. Ce monsieur-là est rétabli, j'ai appris jusqu'à ce qu'on est en train de vouloir l'envoyer maintenant en physiothérapie. C'est pour dire que le médecin n'a pas cette capacité parfois. Alors, c'est comme si on pouvait pas. Oui. Pour ce cas-là, qu'est-ce que les médecins en ont dit? Qu'est-ce que les médecins ont dit de ce cas-là principalement? Beaucoup de mes collègues sont ça, avaient honte. Parce qu'ils avaient déjà affirmé à la famille qu'il va mourir avec ce qu'on voit. Donc moi, j'étais plus là, justement arrivé une semaine après parce que bon, il y avait un collègue qui était malade, puis je suis venu là-bas, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pu voir ça, frère. D'autres sont restés comme si c'était vraiment stupéfait. Je suis allé plus conversation avec mes collègues, je lui ai dit, ah, tu vois que vraiment, c'est pour cela qu'on dit qu'il y a un Dieu qui est grand. Elle aussi, bon, elle sait qu'elle n'est pas d'Allemagne, elle a dit que oui, c'est vrai. C'est ça qui montre la limite de la médecine. Et ça, et la conversation s'arrête de façon superficielle comme ça. On n'approfondit pas la conversation. Et ils n'approfondissent pas la réflexion dans ce domaine de Dieu pour que Dieu les aide plus tard. Frère, la question que je pose généralement parfois, c'est que c'est vrai qu'ils peuvent, on peut approfondir la discussion, mais il faut quelqu'un pour les amener à approfondir la question. Exact. Sinon, ils vont passer sur ça. Ceux qui vont passer sur ça, comme la conversation qu'on a eue à table, ils ont fait, ils ont passé, là, et chacun a raison que quand il est baptisé, là, quand il est sauvé. Mais si j'ouvre ma bouche, je voulais dire que si vous êtes baptisé comme ça, que vous ne connaissez pas, c'est votre problème. Donc c'est pour dire que, frère, parfois on demande aux médecins comme s'il était un Dieu. Mais je crois que parfois il est dans une incapacité. capacité mais, et là, je te relance, mon frère, n'est-ce pas ce que les médecins ont présenté, puisque quand les gens sont malades et quand ils voient le médecin arriver, au moins ils ont d'abord ce réconfort qu'ils ont au moins un sauveur devant eux. N'est-ce pas l'image que les médecins, la médecine a présentée des médecins, que les gens sont en train de voir et que là maintenant c'est toutes leurs limites? Ou bien aussi, ça peut être le fait que les gens ont tellement donné leur espérance en l'homme, exact, ou au médecin, que le médecin ne peut plus rien. Exact. C'est ça. Mmh. Oui, donc c'est comme quand nous on va chez le médecin, frère, en tant que chrétien. Mmh. Tu pries, tu vas, est-ce que c'est lui qui te fait trouver grâce peut-être devant qui que ce soit, comme un roi aussi. Mais si déjà l'homme met sa confiance dans le médecin, sorry, le médecin aussi lui-même, qui aussi est un homme, comme tout homme, peut aussi accepter cette loi-là. Voilà. Aussi dommage que ça plaise. Merci beaucoup. La frère Série, on n'a pas entendu le thème sorcellerie aujourd'hui, parlant des médecins. Quoi que je ne sais pas s'il est là. Alors, nous revenons donc dans le cadre des diagnostics. Alors, quelles sont les causes immédiates et lointaines qui peuvent pousser les gens à désirer se supprimer la vie, désirer quitter ce monde? Vraiment, analysons vraiment ce point-ci, parce que je crois que c'est ici le point. Les gens viennent voir des médecins, d'autres citent du fait qu'ils sont souffrants, d'autres entendent des cris comme nous avons entendu la dernière fois. C'est atroce d'entendre un cri 24 sur 24, un cri comme le train qui grissonne là, ainsi de suite. Et d'autres, une femme qui entend des cris des démons, pas des troubles de personnalité, ainsi de suite. Alors, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener les gens à désirer qu'on puisse supprimer la vie en demandant cela au médecin, que aidez-moi à mourir? Quelles sont les causes proches et lointaines? Qui prend la parole? Les médecins sont seulement prêts à tuer, ils ne veulent pas savoir les causes. Non, mon frère, je pense qu'il y a, plusieurs causes, mais je pense qu'on peut, on peut les donner à tour de rôle. Mais je pense que la principale cause, c'est le fait que la personne arrive à une étape où elle se dit qu'il n'y a plus de recours. Elle est arrivée au bout de tout le processus de recherche, de soins, enfin, voilà. Elle est arrivée à une étape où elle s'est dit que plus rien, plus personne ne peut l'aider à s'en sortir. Voilà, à mon avis, c'est la principale cause. Voilà. La sœur, moi, je pense qu'une bonne partie déjà aussi est possédée, hein. Parce que je prends peut-être le cas de quelqu'un qui déjà commence sa vie par la drogue, et voilà, il va commencer à se droguer, il va consommer de l'alcool, et il va attraper des pathologies, machin et tout, faire des AVC à un moment donné. Quelqu'un, parce que qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un qui ait une bonne vie, qui va à l'école, qui a la possibilité d'aller à l'école, qui relativement a de l'argent pour pouvoir s'en sortir. Il se lance dans ce genre de choses. Et voilà. Et comment il finit? Il finit là dans un lit scotché. Et tout ce qu'il demande après, c'est que bon, sa vie, c'est de la merde. Et il n'a pas, désolé du terme, il n'arrive plus à s'en sortir. Il demande à ce qu'on l'euthanasie. Donc, la majeure partie déjà ici, ils sont vraiment possédés. Vraiment possédés. Quelqu'un qui va se lever, commencer à dire oui, j'entends des voix, oui, je vois ci, oui, je vois ça, oui, je machin. Et à un moment donné, il va demander aussi à être euthanasié, comme la vidéo dont on a regardé. Donc, je pense vraiment qu'il y a déjà à la base quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a des démons qui se baladent un peu partout et qui prennent possession de la vie des gens. Malheureusement, c'est ça. Maintenant, oui, il y a des cas où des gens ont vraiment des pathologies, des cancers et qui souffrent vraiment, qui souffrent vraiment de cette pathologie-là et qui demandent à juste en finir parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Moi, je pense en fait que la principale cause, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, la cause, c'est la possession démoniaque et non connue de ces gens-là. Oui, moi, je pense. Donc, la sœur, avant de passer la question au frère Gaël ou bien quiconque pour d'apprendre. Dans la première partie, nous avons lu dans le livre de Marc au chapitre 5, un fou des Garanésiens ou qui était généralement dans les cimetières et qui se meurtrissait lui-même les pieds. On a parlé et on a convenu que si ça avait été aujourd'hui, on devait parler des troubles des personnalités excessives ou bien maximales. Et là, cette personne-ci était tellement possédée que aucun homme ne pourra plus ne pouvait plus le dompter, même pas, personne ne passait plus dans le cimetière parce qu'on savait qu'il était là-bas. Si ça avait été aujourd'hui, on devait conseiller à ce qu'on puisse le mettre dans une chambre à gaz ou une chambre à vitre des psychologues, des psychiatres, des maladifs, ou bien encore qu'on l'injecte avec des choses, ou bien tout simplement on l'aide à mourir pour qu'il ne souffre plus en se mettant ainsi, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc ça veut dire que la possession démoniaque est l'une des causes. Est-ce que les gens qui sont possédés autour de la famille, est-ce que les gens sont conscients du fait que ce soit la possession? Ou mieux encore, est-ce que la médecine commence à comprendre le domaine spirituel de la possession? Personnellement, je ne pense pas qu'on soit vraiment conscient de ça. Je ne pense pas. On est vraiment pas conscient de ça parce que ici, en Belgique, on va dire que les patients qu'on voit en majorité à Bruxelles, surtout, c'est beaucoup plus les dons de musulmans, quoi. Parce que la majorité des patients, c'est des musulmans. À Bruxelles, il y en a plein. Mais ce qui m'interpelle, en fait, parce qu'actuellement, je suis aux urgences pédiatriques, ce qui m'interpelle, c'est quand même... ça fait mal, parce que tu vois, elles arrivent, et machin... Tu vois, avec des enfants qui ont des pathologies, mais tu regardes l'enfant, tu dis... Donc, moi, qui suis conscient maintenant du domaine spirituel, je regarde, je me pose des questions maintenant quand je vois des petits-enfants qui arrivent, l'enfant qui se cogne la tête partout. Je me dis, mais qu'est-ce que... Le problème, en fait, c'est qu'est-ce qu'un enfant comme ça a fait pour se retrouver, pour mériter ça? Un enfant qui arrive, les parents n'en peuvent plus parce que l'enfant, il est ingérable, il se cogne la tête partout, il se griffe, Franchement, c'est très difficile à vivre. Et je pense que non, eux, ils sont là, tu vois, ils vont dire Alhamdoulilah, Allah, machin, tout ce qu'ils vont faire, ils vont même rester là, prier leur truc là. Mais quand tu regardes, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Clairement quelque chose qui ne va pas. Un enfant à 15 ans qui arrive, il a déjà fait des tentatives de suicide, elle a déjà... Tu regardes un enfant, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas normal. Quand tu entends le parent parler, quand il te parle, tu sens qu'il y a aussi quelque chose dans la... qui ne va pas. Tu regardes le père, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à un moment donné, je pense pas qu'ils soient vraiment conscients de ça. Je ne pense pas du tout. Parce que ceux qui prient le halala, ils pensent que, ils prient vraiment. Je te dis, docteur, on ne sait pas ce qui se passe. Docteur, machin. Et c'est des enfants qui, et j'ai remarqué que la majorité, si c'est des Africains, ça doit être des Africains, des Guinéens qui sont majoritairement musulmans. Et comme, en général, la médecine va expliquer que c'est parce qu'il y a des mariages consanguins. Donc, les mutations génétiques, c'est des trucs. Moi, je sais clairement que c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Et ils se baladent avec des enfants comme ça. Ah, je sais pas. Franchement, je crois qu'il y a un problème quelque part. Frère Yassin. Bon, au fait, je n'étais pas là à l'entrée. Au début, je suppose que tu dois certainement nous avoir passé le bonsoir avec Marc, chapitre 26, Marc 5, 26. Où notre sœur là n'avait éprouvé, je crois, elle disait qu'elle n'a éprouvé aucun soulagement. Éprouvé aucun soulagement. Et je crois que ça, c'est. Au fait, les gens généralement viennent à l'hôpital, même généralement en Allemagne, ces vieilles personnes viennent à l'hôpital quand ils n'en peuvent, qu'elles ne peuvent plus supporter la douleur. Et ils viennent dans l'espérance d'éprouver un peu de soulagement. Mais généralement, dans certains cas, on constate, comme notre sœur dans Marc 5, que ça va parfois en s'empirant. Et comme cette femme-là, généralement, quand ça va en s'empirant, la solution, c'est de rencontrer le maître. Mais, bon, il veut dire cette grâce n'est pas donnée peut-être à tout le monde, entre guillemets, je ne sais pas. Mais je crois que voilà vraiment... le point qui amène les gens à prendre cette décision-là, c'est que ces personnes n'éprouvent pas de soulagement et c'est que devant les médecins, tout va parfois en s'empirant. Et c'est pour dire, je ne supporte pas mes collègues, mais c'est pour dire vraiment, nous ne sommes que des hommes, même si certaines personnes ne donnent pas cette impression. Oui. Voilà. Parfois, on ne peut plus. Parfois, tout ce qu'on peut faire à un patient, c'est ce qu'on appelle... c'est lui à enlever les douleurs. C'est pour cela que parfois on appelle la maladie la médecine palliative, il y a la médecine de la douleur. C'est pour enlever la douleur. Parfois on arrive à un niveau où la seule manière d'aider un patient, c'est de lui donner un antidouleur. Et certaines personnes, même à cela, ça n'aide pas. Parce que quand on parle d'un patient avec une neuromatose, non? Une sorte de maladie où tu as tellement dégénérationné jusqu'à ce que même les médicaments contre la douleur ne t'aident plus. Oui. De toute façon, pour quelqu'un qui entend des bruits et voit des êtres, il n'y a pas de. Vous voyez qu'il n'y a pas de calmement contre cela. Il n'y a pas de calmement. Et déjà. Pour dire encore une autre sorcellerie, pour que ça ne passe pas, pour que l'émission ne finisse pas sans qu'on écoute ce mot, c'est vraiment encore ce que le frère Cyril a souligné, c'est une fois les maladies psychologiques, on te dit une maladie de l'esprit, et on traite avec les médicaments. On te parle de médecine psychiatrique, on te dit que ce sont les médecines, parce que c'est pour cela que quelqu'un dit que l'allemand est une langue qui est assez précise, parce que les Allemands disent vraiment maladie de l'esprit, geistige Krankheit. Mais, je supplie qu'on te donne les médicaments pour que ça atteigne l'esprit. Bon, on se demande comment faire. C'est difficile. C'est pour cela qu'il dit, vraiment, on demande certaines choses à l'homme, mais on ne se rend pas compte. Mais vous-même, dans votre médecine, comme tu le dis en allemand, on parle des maladies de l'esprit. D'où vient-il qu'ils appellent maladie de l'esprit, mais ils tentent de résoudre le problème de l'esprit avec le médicament physique? Vraiment, le jour que quelqu'un a la question, qu'on partage avec moi. Frère Cyril, as-tu déjà eu la réponse de tes amis sorciers, justement, comme tu le dis souvent? Donc, bien, le frère Cyril, je ne sais pas s'il est là. Je crois qu'il s'est endormi. Comme il est rentré là, il est fatigué. Oui, mon frère. Oui, je crois que, au fait, les causes, les proches là maintenant. Et les causes lointaines, qu'est-ce qu'on peut voir de façon lointaine, un peu éloignée, pour avant d'arriver à la proximité de se supprimer la vie? Qu'est-ce qu'on peut regarder à l'horizon? D'où viennent ces choses-là? D'où vient cela? Cette tentative de pouvoir se donner la mort, non seulement l'euthanasie, mais aussi le suicide. Puisqu'à Fulda, là-bas, là où le train, je crois que c'est à côté de chez toi, où le train passe, où les gens aiment se donner la mort. Les gens aiment se donner la mort. Et tu es habitué à entendre X, O, Bati, tout, et puis on se jette dans le train, quoi. Et puis. C'est bizarre. Parce que parfois, il y a des patients qui viennent qui te disent qu'il y a une voix qui leur demande de se suicider. Oui. Et là, qu'est-ce que les médecins font? Ce que les médecins font, c'est qu'on les enferme dans des cages psychiatriques et on leur donne les articles. On leur donne les trucs pour se calmer. On leur donne les trucs pour abattre leur corps. Donc, vous savez que. On éteint ton corps, sorte à ce que tu n'as pas la capacité de prendre l'âme pour te tuer. Il y a des gens qui te disent qu'une des voix demande qu'il se suicide, une voix qui a envoyé qu'elle aille se jeter sur les rails. Oui. Et beaucoup vont à côté de chez toi, et tu ouvres tes nacos et tu les vois se donner la mort. Le médecin et le chrétien ne peuvent rien faire. Oui, surtout que bon, il y avait un frère qui est passé de mon côté. Je crois que c'est lui qui a dit que Jésus-Christ sauve. Oui. Il est parti sans rien dire. Ça va aller. Et de toute façon, celui-là parle français seulement. Alors, le frère Iba, le frère Yassine nous informe que des patients viennent souvent, ils entendent des voix, les médecins leur prescrivent le paracétamol, par exemple, pour soigner, les entendent des voix. Comment on peut prescrire un remède physique pour une maladie spirituelle? Une fois de plus, on voit encore ici la malhonnêteté et la limite de la médecine moderne. Ben oui, frère, nous tous, on se pose la question, c'est vraiment de la malhonnêteté. Médical ou je sais pas, mais vraiment ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dès l'instant où on constate que ici il s'agit de l'esprit qui est qui a le problème. n'y a pas lieu de chercher à soigner le corps. Ça, puisqu'on sait que certainement ça ne va pas, ça ne va rien donner comme résultat. Okay. Voilà, donc maintenant il faut faire recours au domaine spirituel pour traiter ce genre de cas. Je passe la parole à Frère Yassine avant de revenir encore à toi par rapport à la collaboration avec l'OMS et l'expertise dont on te fait appel chaque fois. Oui, Frère Yassine. Oui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on entend peut-être par malhonnête? Parce que dire un peu malhonnête, à mon avis, ça signifie un peu, c'est que tu connais quelque chose, mais tu essayes d'user d'autres moyens pour arnaquer un malade. Mais je crois que moi, j'appelais ça simplement l'ignorance. Bon, prenons le cas de cet homme qui a témoigné dans les Nations Unies. Dans ces Nations Unies se trouve l'OMS. Et l'OMS continue toujours à amplifier avec l'euthanasie, la loi de l'euthanasie, que ce soit été pour se limiter à cet aspect-là seulement. Pourquoi après ce genre de conférences, après ce genre de témoignages, les gens ne se réunissent pas en appelant ce monsieur qui a le ministère apostolique et les témoignages vivants pour dire qu'il est temps que nous, ici à l'OMS, on essaie de voir comment aider des gens qui ont des solutions limites, puisque voilà Jésus qui peut guérir quelque chose que nous ne pouvions pas guérir. N'est-ce pas une malhonnêteté ça? D'être malhonnête, de faire fi comme si on ne connaissait pas qu'il y a une solution et laisser les gens mourir, accompagner à mourir. Comme c'est que le musulman te dit que Jésus-Christ, c'est un prophète. La question c'est que tu vas venir, même si tu ressuscites un mort devant un musulman qui te dit que Jésus-Christ c'est un prophète, tu dis que c'est Jésus-Christ. C'est difficile qu'il te croit s'il n'a pas une grâce particulière. Bon, dans ce cas, peut-être on peut dire que c'est la malhonnêteté. Mais je parlais par exemple dans le cas d'un médicament qui te un médecin qui te donne un médicament quand tu m'as une psychiatrique. Ça, c'est une forme d'ignorance. Il ignore, il ne sait même pas. Parce que le malade que tu nous as lu dans Marc chapitre 5, on l'a enchaîné. Donc on croyait que vraiment c'est lui qui faisait. Alors qu'il y avait des esprits en lui. Et c'est la même chose. Donc c'est Marie, ça dit que ce sont des esprits, ce sont des possessions. Mais les médecins, lui, ne sait pas. Ignorant de son état. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, notre cas, c'est la malhonnêteté. Qu'est-ce qu'on doit faire justement? C'est la question que je dois poser au frère Iba. Alors, frère Iba, l'OMS t'envoie souvent en mission et sollicite ton expertise pour la formation. Nous rappelons que tu es au cadre d'une personnalité de pointilleux dans ton domaine, in your own field. T'es-tu déjà arrivé à rencontrer ou bien à tes étudiants ou bien à des gens dans ta formation d'expliquer aux gens la limite de la médecine et le palliatif avec le Seigneur Jésus-Christ? Oui, bien sûr, et il y a même des cas où, par exemple, là, dans un camp de réfugiés à l'est du Cameroun, j'avais un enfant qui était en train de mourir. On a mis dans le véhicule de l'organisation et on l'évacuait. Et pendant qu'on partait, j'étais avec les parents aussi dans la voiture. Ce sont des musulmans, d'accord? Le chauffeur, tout ça, c'était des musulmans. Et pendant qu'on partait, j'ai vu que l'enfant était en train de mourir. Donc, j'ai demandé qu'on retourne. On est retourné et il était déjà à l'heure pour l'organisation parce qu'à partir d'une certaine heure, il faut être rentré puisqu'il peut avoir des attaques dans la zone et tout ça. On est retourné donc dans la structure de santé qui était la plus proche là. Et j'ai demandé qu'on mette une voie à l'enfant, on l'a un peu rempli et puis c'est une perfusion en fait pour ne pas qu'il décompense. Donc on l'a remis dans le véhicule. Quand on partait encore, l'enfant était encore en train de partir. Il était dans les mains de sa maman et ils ont commencé à réciter leurs histoires là, machin et tout ça. Donc j'ai dit donnez-moi l'enfant. Donc j'ai pris l'enfant et puis j'ai prié sur l'enfant, j'ai confié l'enfant au Seigneur. Et puis l'enfant, dès cet instant, l'enfant est devenu stable. Et on l'a, jusqu'à ce qu'on arrive. Et puis le lendemain, l'enfant, c'était fini. Il était sur pied. Raconte-nous l'histoire de cet écuménisme musulmano-chrétien dans cette ambulance-là. Le docteur chrétien et le musulman malade rempli de sourates. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle était la réaction? En fait, quand j'ai pris l'enfant et que j'ai commencé à prier, la maman, le chauffeur et tout ça, le père n'était pas là, mais c'était la mère et tout ça. Donc, ils ont commencé à me regarder, mais bon, enfin, ils avaient l'air étonnés en fait. voilà, de l'organisation, tout ça, et j'étais la plus haute autorité sanitaire dans la zone, quoi, oui. En fait. Donc, ils étaient vraiment étonnés. Oui. Mais bon, enfin, quand j'ai ramené l'enfant et tout ça, quand je l'ai déposé, je ne suis plus allé, donc je n'ai plus eu de contact avec eux pour savoir ce qu'ils en pensaient, mais c'est le chauffeur, oui, qui est, puisque c'était le chauffeur de mon organisation, qui est venu en parler, mmh, au sein de l'organisation, donc à mon supérieur hiérarchique et puis, oui, tout ça. Voilà, donc, mais bon, ils m'ont toujours regardé un peu d'un œil un peu bizarre. Ils ont dit et même une fois, on m'a appelé aussi pour un autre cas, mmh, où c'était une femme qui criait dans la rue, elle était tombée et puis ils sont venus, les blancs là, ils ont couru pour venir m'appeler, docteur, docteur, viens. Donc je suis parti et j'ai vu que cette dame était possédée. Oui. Et là tu étais en blouse, attendez frère, et là tu étais en blouse blanche, extampillé de l'OMS, et là maintenant on t'appelle pour l'expertise, tu constates que dans l'OMS, dans le carnet des chats de l'OMS, il n'y a pas la possession. Là maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-nous. Ben, écoute, frère, j'ai commandé, quoi. J'ai prié jusqu'à ce que, en tout cas, je voie que. Est-ce que tu as commandé devant les gens qui étaient là avec la femme couchée que par l'autorisation, oui, qui m'a été octroyée par l'OMS, madame, je te demande de te lever en tant que docteur? Ou, ah, qu'est-ce que tu as dit? Non, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et la voix tournait dans toute la zone, dans tout le cadre. Donc, les gens sont sortis comme ça pour venir voir le médecin qui est en train de faire une délivrance. Oui. Donc, et puis, bon, voilà. Et justement, cette dame, et les gens racontaient qu'en fait, chaque jeudi, mmh, c'était comme ça, elle criait toute la journée, mmh, du matin au soir, chaque jeudi, c'était comme ça. Mmh. Voilà. Mais voilà, par la grâce du Seigneur, en tout cas, voilà, nous prions que le Seigneur permette encore que l'OMS t'envoie dans des zones de conflit où les gens sont possédés de ces esprits, comme ça tu puisses délivrer les gens là-bas au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais le rapport n'est pas parvenu à ta hiérarchie en disant que la façon de guérir les gens n'est pas conventionnellement conventionnelle. Bon, même la chef de mission de l'organisation, quand on s'assoit pour parler, moi je suis clair sur mes affaires. Oui. Ils savent clairement que je suis chrétien et, oui, je passe pas par quatre chemins. Donc, le dis donc, ça ne les étonne pas. En fait. Donc tu leur as dit, ok, vous m'envoyez en mission, il n'y a pas de problème. Mais dès que ça ne marche pas selon votre règle, j'applique Jésus. En tout cas, je ne leur ai pas dit quoi. Je ne l'ai pas dit comme il ça, constate, mais il constate quand la situation se présente, il constate. Moi, j'agis. Voilà. Alors, et il ne te rappelle pas souvent à l'ordre en disant que il faut faire ça doucement, on n'appelle pas trop Jésus ici. Pourquoi il ne faut pas qu'on dise que l'OMS est devenue la chose chrétienne et religieuse? Non, non, en fait, bon, c'est vrai que en fait, les organisations... je travaille surtout pour l'UNICEF, oui, mais en collaboration toujours avec un autre partenaire, bon, l'OMS indirectement. Oui. Mais oui, même, enfin, non, mais on ne me... Bon, en fait, en fonction de ton expertise, mm, quand ils savent qu'ils peuvent toujours t'utiliser, ils ne vont pas te frustrer en tant que tel. Hein. Ils s'arrangent pour arrondir les angles. Mmh. Pour pouvoir toujours travailler un peu avec. Oui, la sœur, je crois que ceci devait booster maintenant ta position maintenant en urgence. Comme tu es, je crois que tu nous as dit tout à l'heure que tu étais encore en urgence ou bien si, donc désormais ça ne va pas, si la loi belge ne fonctionne pas, tu as maintenant la solution. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas, ma sœur? Que le Seigneur me fasse grâce, mon frère. Le frère Yassine, qu'est-ce que tu dis des témoignages du frère Iba maintenant, dans zone de guerre, à zone de l'Est du Cameroun, où les réfugiés centrafricains avaient fait éruption là-bas et puis il y avait des réfugiés, les déplacés? Oui, ça c'est une démonstration de la puissance de Christ. Ça c'est ce qu'il faut. Mm. Ça c'est ce que le corps a besoin. Mm. Mais ça ne te donne pas le punch aussi de que dès demain soir, quand tu vas arriver là-bas, les gens vont se sentir à l'hôpital là? Non, non, frère. Le frère, il m'a fait Non, frère, vraiment, le tu veux dire les ailes là, non, pas Oui, encore. oui, oui. Bon, il faut que le frère nous donne le secret de son zèle. Maintenant, pouvons-nous entrer dans les Saintes Écritures maintenant? Amen. Genèse chapitre 9. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos précieux conseils, vos précieux remarques, vos précieuses remarques. Merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Merci pour tous ces gens-là qui écoutent cette tranche d'enseignement sur Bamba Iba et qui en prendront conscience. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pendant qu'on y a, je crois qu'il y a des feedbacks de tous ceux-là qui ont écouté l'euthanasie et les gens qui ont écouté l'insémination artificielle. Nous prions pour tous ceux qui ont des questions de nous poser sur la chaîne YouTube Bamba Iba en écrivant dans l'onglet. Aucun onglet n'est bloqué. Les commentaires sont possibles là-bas. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez contacter ce Junior. Junior, c'est JUNHIORS. @yahoo.fr. De toute façon, je crois qu'à la fin des enseignements, toutes les adresses sont défilent là-bas. Vous pouvez regarder et poser vos questions aux médecins qui sont là en requérant leur expertise. Maintenant, avant de finir cette deuxième partie de l'euthanasie, nous entendons dans les Saintes Écritures pour voir la pensée de Dieu concernant cela. Commençons par le livre de Genèse au chapitre 9. Genèse chapitre 9. Alors, tout sans exception, nous savons effectivement que Dieu a créé l'homme à son image selon Genèse chapitre 1. Et il a placé l'homme sur la terre pour que l'homme domine sur la terre tout entière en soumettant les animaux du champ. Maintenant, avant d'avancer dans le livre de Genèse chapitre 9, j'aimerais bien expliquer un principe avant d'y arriver par rapport à l'éthanasie dont nous voulons voir à la lumière de la parole de Dieu. Dieu n'a pas demandé en créant l'homme que l'homme domine sur l'homme. Ça ne se trouve pas dans l'agenda de Dieu. Il est tout simplement dit dans l'agenda de Dieu que Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a donné la domination à l'homme de dominer sur les animaux des champs, ainsi de suite, des bêtes sauvages, ainsi de suite, les oiseaux. Dans l'agenda de Dieu, donc, Dieu n'a pas donné à l'homme de dominer sur l'homme. Par conséquent, l'exercice de la domination de l'homme s'étend sur le règne animal en excluant l'homme. L'homme a dans le plan de Dieu l'interaction, les échanges entre eux. Dans l'amour, dans l'harmonie et dans le respect de la loi de Dieu. C'est ainsi que Dieu a régularisé cela. L'homme donc a la domination sur le règne animal, sur les règnes inférieurs, les animaux et puis les oiseaux du ciel, ainsi de suite. Mais l'homme n'a pas la domination sur son frère qui est être humain comme lui. Genèse chapitre 9. Dans le livre de Genèse chapitre 9, nous trouvons là à la sortie de Noé dans l'arche et nous allons voir le verset 1 jusqu'au verset 6. Quelqu'un peut-il lire verset 1 ou verset 6 du Genèse chapitre 9? Ok, je lis. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Fin de citation. Je crois qu'ici, on peut épiloguer ici 2 heures de temps pour bien saisir ces choses-ci. D'après la pensée de Dieu ici, et si vous lisez depuis le chapitre 1, vous avez remarqué que lorsque l'homme sort des... Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô, le frère Yassine, vous m'entendez? Allô? Je crois que nous avons quelques petits soucis là maintenant. Allô, vous m'entendez? Oui. J'espère qu'il n'y a pas de coupures. Là, ça va, on lui entend. C'est bon maintenant, n'est-ce pas? Allô, c'est bon? C'est bon maintenant, oui. Voilà. Alors, donc, en lisant donc Genèse depuis le chapitre 1. Oui, mon frère, c'est bon. À la création, donc. À chaque fois que si, ça s'interrompt, dites-moi pour que je ne continue pas à bavarder. Alors, depuis le chapitre 1 de Genèse, Dieu crée l'homme à son image dans l'état parfait. Puis le péché va entrer au chapitre 3. À partir du chapitre 3, donc, nous allons voir qu'un nouvel ordre va être mis sur pied dans le plan de Dieu. Quelque chose doit y être ajouté sans en retrancher ce qui était premier. En premier lieu, quand Dieu a créé l'homme à son image, l'homme avait pour légumes pour manger. Lorsque le péché est entré, Dieu a ajouté aux légumes de la viande. Et c'est ce que nous voyons ici dans le chapitre 9. Dans ce chapitre 9, verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Parce que l'herbe verte leur a d'abord été donnée. Si vous regardez dans Genèse chapitre 1, le verset 29. Donc, dans l'ordre des choses, Dieu n'a pas changé ce qu'il avait donné dès le départ, il en a ajouté. Dans le Genèse chapitre 1, verset 29, Dieu avait donné de l'herbe, des légumes aux hommes à consommer. Ici, dans Genèse chapitre 9, donc, à l'issue du péché, parce que le péché était entré, l'homme maintenant pouvait consommer maintenant de la viande. Mais Dieu lui donne une restriction dans la consommation de cette viande-là. Il dit que la restriction se situe au niveau de la consommation du sang. Et c'est ce qui va revenir sur le livre dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, lorsqu'à la conférence de Jérusalem, on en avait parlé des viandes étouffées, des viandes et du sang, d'interdits, cela parce que c'est prêché dans les synagogues sous Moïse. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 3 et verset 6, il est question également de l'interdiction des sang. Ah, Junior, c'est entrecoupé. Ce n'est pas évident ce soir. Alors pourquoi lorsque nous touchons dans le cadre biblique là maintenant et puis on a cette chose-ci, je crois que je vais couper ma vidéo afin que ça puisse, si pour voir si la bande peut, bande passante peut être bon. Maintenant, vous m'entendez? On a du mal à suivre. Vous m'entendez maintenant? C'est bon là? Est-ce que c'est bien maintenant? Blouse bande à la sainteté, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? On ne t'écoute pas, frère. Ok. Je crois que nous allons regarder le problème de connexion. Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez maintenant? C'est bon? Ok. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Alors, dans le livre de Genèse, dont Dieu octroie à l'homme, à la création, au chapitre 26, 27, 28, Dieu crée l'homme, puis au chapitre 1, verset 26, 27 et 28, Dieu crée l'homme à son image, et puis il donne au verset 29 la nourriture, la spécification par rapport à la nourriture qu'ils doivent consommer. À l'issue du péché, au chapitre 3, Dieu va faire entrer, en plus de l'herbe, maintenant le légume, de la protéine animale, c'est-à-dire que des viandes que l'homme devait ajouter à sa végétation, à sa consommation. Par la suite vient maintenant la recommandation qui nous intéresse maintenant dans l'euthanasie. Vous m'entendez? Il n'y a pas d'interruption, n'est-ce pas? C'est bon, toujours? Ah, est-ce que vous m'entendez? Et quoi que vous avez des problèmes, nous avons des problèmes. Alors le frère Iba, vous m'entendez? La sœur Reine? Oui, c'est toujours un peu entrecoupé. Hein. Oui, là, maintenant, moi, je t'entends. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Et difficile, difficile, difficile. Maintenant, je crois que c'est stable maintenant, non? Oui, c'est stable. Oui, c'est bon. Oui, chez moi, on écrit qualité de réseau médiocre. Voilà, en fait, c'est ça. C'est chez toi, en fait. Oui. Je crois que je ferais mieux de vite parler et puis pour qu'on en finisse ce soir. C'est ça. Mmh. Frère Yassine, beaucoup de courage, même si que le Seigneur t'est fortifié avec tout ce que vous faites comme travail là-bas. Beaucoup de courage. Alors, je crois que je ferai mieux d'aller. Donc, au chapitre 9, dont nous venons de voir comment Dieu dit au verset 3, particulièrement au verset 5, Dieu dit sachez-le. Dieu dit sachez-le. Donc, on doit savoir cela. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Donc, l'une des causes lointaines pour ceux qui partent pour l'euthanasie et les suicides, c'est parce qu'ils ne comprennent pas effectivement la tridimensionnalité de l'homme, donc l'aspect âme et l'aspect esprit. Quelque chose se trouve dans nos sangs qui est précieux pour le Seigneur, que le Seigneur a mis, dont la médecine moderne ne peut pas savoir. Ils peuvent regarder la composition, le taux de globules blancs, le taux de globules rouges à l'intérieur, c'est tout ce qui peut leur appareil peut voir. Mais la Bible déclare que c'est dans le sang se trouve l'âme. Et cette partie-là, c'est invisible avec des appareils humains. Et c'est donc c'est à l'intérieur donc, que se trouve cette position de troisième degré et toutes ces pathologies-là que les gens puissent avoir sur le plan cliniquement. Ils voient certaines choses qu'ils essaient de calculer avec le roman de l'école. Mais au fond de cela, Satan manipule ces domaines-là. Les esprits impurs manipulent ces domaines-là. Les démons dont nous avons découvert dans Marc chapitre 5, qui étaient près de 6000, n'habitaient pas dans le corps humain. Parce que le corps humain n'a pas de contenant de 6000 démons. Mais l'âme est assez vaste et l'esprit est assez vaste par rapport à cela. Ils peuvent en contenir plusieurs. Alors ici, dans le verset 5, Dieu dit, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. » Donc dans cette phrase, Dieu dit clairement que si un animal même parvenait à tuer un homme, Dieu lui demanderait l'âme, cette âme-là. Parce que dans cette phrase, il parle de l'homme, de demander l'âme de l'homme à l'animal. Ça veut dire que tous les hommes qui sont tués par les animaux vont passer en jugement pour que Dieu leur demande pourquoi ils ont tué les hommes. Donc vous voyez effectivement pourquoi ils sont allés là-bas. Ça veut dire que la vie de l'homme était tellement précieuse pour Dieu, au point où Dieu a commencé à mettre des lois que personne n'a le droit de stopper la vie d'un être humain, même pas l'animal. C'est ce que nous sommes en train de voir déjà dans la Genèse. C'est au point où si nous rentrons au chapitre 4, regardez bien, si nous rentrons au chapitre 4, lorsque Caïn va tuer son frère Abel, Dieu va dire la voix de son sang crie. Or, cliniquement parlant, on ne peut pas entendre une voix venant du sang. Tout ce qu'on peut déceler, ce sont les taux de globules rouges, c'est le taux de glycémie qu'on peut faire en regardant le sang, en testant avec certaines choses. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais Dieu dit que le sang a la voix, parce qu'en réalité, il y a l'âme à l'intérieur. Caïn a versé, il avait couvert le sang quelque part dans la terre, il croyait que c'était terminé. Parce que le sang est précieux. Le sang est précieux pour Dieu parce qu'il y a quelque chose qui se trouve contenu dans le sang. C'est au point où Dieu a interdit même le sang des animaux à Dieu, à l'homme d'en manger. Parce qu'il dit que la vie de tout être se trouve dans son sang. Donc il faut qu'on fasse attention. Un, Dieu interdit à l'animal de tuer l'homme et même à l'homme de tuer l'homme. Ça veut dire que la vie d'un être humain est assez chère devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les conflits? Nous voyons des crimes rituels, des gens qui sont attrapés, tués, torturés, enlevés, d'autres personnes qu'on enlève les yeux. Et quoi que, la prochaine fois, nous allons voir, Dieu le voulant, quoi, en Angleterre, comme toute une famille a été arrêtée, quoi, le 19 juillet, et traduit au tribunal. Et en Amérique du Sud également, qui ont tué, ils disent qu'ils ont entendu la voix du Satan qui a demandé de tuer. Ils ont tué leur maman de 75 ans. Enlever les yeux, enlever tous les reins en sacrifiant et se couchant dans le sang pour pouvoir invoquer le diable. Et c'est le diable qui leur a dit ça, une famille de 7 personnes. Vous voyez ce qu'il arrive. Et Satan pousse les gens à bout pour enfreindre les lois de Dieu. Ce n'est pas que ces sangs-là ont des puissances. Non. C'est que quand Satan demande le sang, c'est pour pousser les gens à la culpabilité devant le Seigneur, pour qu'ils tombent en disgrâce devant Dieu. Et quand les gens sacrifient leurs parents, sacrifient les gens, sacrifient leurs enfants, comme on voit dans les sectes ésotériques, ce n'est pas quand le sang a la puissance en lui-même. Non. C'est que lorsqu'ils font comme ça, Satan octroie des démons plus puissants. Les gens ont comme l'impression que c'est parce qu'ils ont versé du sang qu'ils obtiennent ces puissances-là. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il pousse les gens à tomber dans les profondeurs de Dieu, contre les lois de Dieu. Donc, un, la loi de Dieu établit qu'on ne doit pas manger du sang, qu'on ne doit pas verser du sang, même pas l'animal. Alors, et Dieu dit qu'il va redemander le sang de l'homme à l'homme. Alors d'après, ici c'est avant la loi. Ça veut dire que Dieu dit clairement qu'un être humain n'a pas le droit de supprimer la vie à un autre être humain. Parce que ce n'est pas un être humain qui donne la vie. Sur cette base-là, l'euthanasie n'a pas sa place. Donc, quel qu'en soit ce qu'un homme en train de souffrir, quel qu'en soit ce qu'un être humain en train de faire, même s'il demande et réclame lui-même la mort, on ne doit pas lui donner la mort sous prétexte qu'il a demandé la mort et il ne veut plus vivre. Nous allons voir un cas de quelqu'un qui a réclamé l'euthanasie dans la Bible et le médecin lui a refusé cela. Allons-y dans le livre de 1 Samuel, chapitre 31. 1 Samuel, chapitre 31. Samuel chapitre 31, verset 1 à 6. Si la connexion était bonne, j'aurais souhaité entrer vraiment dans les Écritures, nager là jusqu'à sortir dans le livre d'Apocalypse. 1 Samuel chapitre 31. Chapitre 31, verset 1 à 6. Okay. Les Philistins livraient bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saul. L'effort du combat porta sur Saul. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saul dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périt en même temps, dans cette journée, Saul et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Amen. Dans cette lecture, nous connaissons ce qui s'est passé avec Saül, dans la disgrâce, la désobéissance, ainsi de suite, la consultation de la société d'Andorre. Nous voyons ici justement la confrontation. Dans cette confrontation, nous voyons en même temps le suicide, en même temps l'euthanasie. Voici un être humain qui réclame la mort et on refuse de lui donner la mort. Lui-même, il se donne la mort. Donc, ce qu'il a fait, ce qu'il réclamait, c'est l'euthanasie. On refuse, il se suicide. Et celui qui lui a refusé de lui donner la mort, lui-même, quand il a constaté qu'il est mort, lui-même s'est suicidé alors qu'il ne voulait pas donner la mort à l'autre. Un paradoxe. Donc, on voit effectivement que la vie était tellement précieuse au point où, si vous lisez le chapitre 2, si vous lisez le 2 Samuel chapitre 2, le compte rendu de ceci, il y avait un Amalécite qui était caché là, qui voyait ce scénario-là s'est passé. Il est venu rapporter l'histoire à David, croyant que ça doit être la bonne nouvelle pour David. Et David va demander, d'où es-tu? Il a dit, c'est un Amalécite. Il dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de Dieu? Pourtant, il était resté dans la brousse. Il a vu le scénario, comment ça s'est passé. Il est venu annoncer la bonne nouvelle à David, pour croyant que David devait le couronner en disant que tu as tué mon ennemi. David a plutôt frappé en disant que je te témoigne parce que ta bouche a témoigné que c'est toi qui as tué loin de Dieu. David lui-même savait effectivement que le sang, même si c'est son ennemi, était précieux. La Bible déclare même qu'on ne peut pas prier pour tuer les ennemis parce que c'est à l'Éternel la vengeance. Donc, vous voyez effectivement que Dieu va même pour dire qu'on ne doit même pas tuer ses propres ennemis. Au point où, si tu ne tues pas les ennemis, c'est à Dieu de faire la vengeance. Dieu donc interdit qu'un être humain donne la mort. Donc, il n'y a point d'explication pour qu'un être humain puisse donner la mort à un être humain sous prétexte de celui-là qui a réclamé. Je crois que comme la connexion est mauvaise, nous allons nous arrêter ici pour l'euthanasie ce soir. La Bible déclare dans le livre des commandements au chapitre 20 de Exode en disant que tu ne tueras point. Ça devait faire l'unanimité dans la pensée divine. En tout cas, si les hommes n'y croient pas, c'est ce que Dieu a dit, tu ne tueras point. Et tu ne tueras point sept ans, puisque Dieu sachant qu'il y a plusieurs manières de tuer. Il y a ce qu'on appelle l'interruption involontaire de la grossesse. Quelqu'un va beau expliquer n'importe quoi, c'est quand même de la tuerie. Il y a quoi? Donc, de toute façon, il est écrit, tu ne tueras point. Oui, frère Eba, tu voulais parler? Non, frère, je pense que tu as bien conclu. Hein. Tu as bien conclu et voilà, avec les versets à l'appui. Voilà. Frère Yassine, un mot pour conclure. Avant d'annoncer ce que nous allons voir dans la prochaine édition des Blouses Blanches pour Jésus, qu'est-ce qu'on conclut par rapport à l'euthanasie face à face par rapport à la Bible? Le micro est fermé, je crois bien. Je n'étais pas bien suivi. Tu dis que qu'est-ce qu'on conclut? Qu'est-ce qu'on peut conclure maintenant à l'issue de ces deux éditions concernant l'euthanasie? On met toujours la Bible en avant en disant d'abord Amen pour ce qui a été lu et pour ce qui a été dit. Et aussi clair que possible et aussi indiscutable, l'euthanasie, c'est un crime devant la face du Seigneur. Et c'est par rapport à ce thème-là, c'est vraiment ce qu'il a dit, c'est un crime. Et puis, voilà quoi, il n'y a pas de raison valable. Il n'y a aucune raison valable de tuer un homme. Il n'y a aucune raison valable. Si cet homme-là Ça, vient, c'est... si le seul, cet homme-là vient et vous porte plainte pour non-assistance de personnes en danger, qu'il est en danger, il veut mourir, vous ne l'assistez pas. Oui, moi aussi je lui porte plainte parce qu'il me met en danger. Devant le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Pardon? Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. La sœur Reine, qu'est-ce qu'on conclut dans cette édition concernant l'euthanasie? On conclut ce qu'on a déjà dit, hein, et ce qu'on a lu aussi d'après la parole. Il n'y a pas de justification, ou bien il n'y a même pas de raison en fait de donner la vie de donner la mort à quelqu'un ou de vouloir se donner la vie. Donc voilà, c'est clair dans les Écritures, c'est voilà. Le frère Iba. Ben, à la suite de mon frère et de ma soeur, j'enfonce le clou, hein, pour dire que plutôt que de vouloir chercher des voies détournées, lorsque on a atteint ses limites en tant que médecin, il faut se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la solution. Voilà, c'est lui le grand médecin. Donc, voilà, on n'a pas de raison de vouloir le contourner pour aller, enfin, de démontrer que oui, ici, ce cas était compliqué, donc on a supprimé la personne, ça va nous rattraper. Ça va dans tous les cas au jugement et on aura à rendre compte. Voilà. La prochaine édition, qu'est-ce que nous voyons? Je crois que la sœur, le frère Gaël est en de nous entendre là, mais sa connexion n'est pas, ne lui permet pas de participer. Et la sœur Monique également est dans un parc en train de se promener avec l'enfant pour surveiller si les médecins sont en train de passer de côté. Le frère Cyril est en train de se reposer parce qu'il est en train de se ressourcer pour la prochaine garde et la prochaine mission. Je crois que Dieu lui donnera de bons rêves pour pouvoir maintenant commencer à travailler en tant que médecin chrétien pour essayer de pallier les situations qui se jouent dans son. Dans son milieu. Pour ma part, je prie pour vous. J'ai prié pour vous et j'ai prié pour vous. Il s'est réveillé là-dedans. J'ai prié pour vous afin que le Seigneur vous utilise chacun dans son domaine et que vous soyez des témoignages vivants là-bas. Et que Dieu vous utilise et vous donne surtout ces manteaux de délivrance. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle il a suscité cet enseignement-ci, afin que de créer dans le cœur des différents médecins la soif de démontrer la puissance de Dieu devant les gens et dans ces missions-là. Puisse Dieu vous utiliser ainsi. Amen. Je crois, ça va courir. Je crois que au courant de la semaine, donc vous allez décider de ce qu'on va, nous allons voir par rapport à à la prochaine édition. OK. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Amen. Bonne soirée et à bientôt. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. The God that healeth thee, I am the Lord your healer. I sent my word